Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans Produits en Croix alias Spec. Et aujourd'hui, on parle de nos jeux de ce début d'année avec évidemment Jemjina et JJ. Comment allez-vous? Eh bah ça va. Bah ça va. Ça va. Je joue à un très bon jeu, du coup je suis très content. Comment vous avez trouvé mon introduction? Simple, courte, efficace. Allez. On aurait aimé un peu plus long, mais ça va. Bah si tu veux, je peux te faire plus long. Alors, on va parler de nos jeux, donc du coup, comme je l'ai de nos jeux de ce début d'année. On parlera de Metroid Prime, la trilogie. Bah, c'est pas le 4, non, parce qu'il est pas sorti. Pas la trilogie au complet, parce que je suis en train de... Enfin, j'ai démarré le 3, mais j'ai lâché le jeu pour jouer à un certain Zelda Tears of the Kingdom. Oh là là. Je pourrais parler du 1 et du 2 et de pourquoi j'ai lâché le 2, parce que le 2 m'a saoulé. Mais là tu vas même plus que reprendre le 3, puisque tu vas le recommencer pour la simple et bonne raison que t'as fini TOTK. Et oui, en l'espace d'une journée incroyable, félicitations, tu es la personne qui a réalisé le speedrun en 1h16 et des poussières je crois. 1h30. Et quelqu'un qui a déjà fait un speedrun? Oui, il y a un speedrun de TOTK d'1h33. Et je l'ai vu, c'est très impressionnant. Moi, c'est à peu près le temps qu'il m'a fallu pour essayer d'utiliser le premier pouvoir. Jemjina, toi, tu vas nous parler de Tales of Arise. Tales of Arise, jeu absolument incroyable. Je détaillerai un petit peu après pourquoi c'est incroyable, mais vraiment très très très bon jeu. Moi, je vais vous parler du coup de Chia et de Grim Fandango, puis on divaguera sur d'autres jeux, je pense, puis un peu l'actualité. Comme d'habitude. Effectivement. Alors, qui commence du coup pour l'épisode? On commence par l'actu, non? Eh bien, on va commencer par l'actu. L'actu, c'est Tears of the Kingdom. L'actu, c'est bien évidemment le petit Zelda qui est sorti hier. J'avais littéralement tous mes follow Twitch qui y jouaient. C'était incroyable. J'en avais étonnamment que deux. Moi, j'ai allumé ma Switch aujourd'hui parce que j'ai reçu le jeu aujourd'hui. Je l'ai commencé avant l'émission. Et j'ai vu personne jouer à autre chose que Tears of the Kingdom. Et j'ai eu 10 personnes qui se sont connectées pendant ma session. Bah moi c'est très drôle parce que hier littéralement je jouais au jeu, je voyais tout le monde jouer à Tears of the Kingdom, sauf Sauce Pesto qui joue à Splatoon. C'est très triste. Bon, on parlera pas du jeu parce qu'on vient à peine de le commencer, sauf Jake. Sauf moi qui l'ai fini. Peut-être que toi tu t'auras un avis à dire. Oui. Par contre, il y a un truc qui moi me plaît énormément, c'est tout ce qu'il y a eu autour de la sortie du jeu. Et notamment dans les boutiques Micromania et tout, les ouvertures qui sont les ouvertures à minuit en nocturne et tout, ça rappelait la PlayStation 2 lorsque la c'était assez insane. Ah mais c'était la folie hein. Je pense que c'est honnêtement en fait j'en parlais un petit peu avec ma copine tout à l'heure, je disais si Breath of the Wild a été le jeu très important, l'un des jeux les plus importants de 2010-2020, TOTK sera évidemment l'un des jeux les plus importants de 2020-2030. On verra. Ah moi je pense que si. Je pense que ça va être l'un des jeux les plus importants de 2020-2030. Moi ce qui m'a assez surpris dans les tests, c'est de voir que les gens disaient ouais, vous vous souvenez de Breath of the Wild, bah Tears of the Kingdom. Enfin Breath of the Wild c'est un brouillon en fait de TOTK à les statues. Et ça franchement j'ai fait mais c'est... Comment est-ce possible, c'est fou à dire, mais c'est étonnamment un peu vrai. Parce que, en fait, le jeu te... Je dirais pas vraiment brouillon. Enfin, on en parlait un peu avec Jem en pré-émission. C'est plus genre... C'est un peu comme Portal 1 et le brouillon de Portal 2. Ça a pas vraiment de sens de dire ça. Genre, c'est... Portal 1 est un très bon jeu, Breath of the Wild est un très bon jeu en tant que tel, mais le 2, quand il est arrivé, il a repris les mécaniques et il les a faites en mieux. Et ben là, c'est le cas. Pas vraiment un brouillon, c'est, on va dire que c'est le croquis qui sert à faire le très très beau dessin. Ouais, mais c'est quand même assez fou parce que BOTW, quand il est arrivé en 2017, c'était une claque, hein, vraiment. C'est l'un des jeux les plus importants de la décennie. Hein. Et je pense que personne lui volera son titre et personne sera contre le fait qu'il ait ce titre. Bah après, est-ce que c'est le jeu le plus important de la décennie? Je pense que c'est un peu compliqué de dire. Je pense qu'il y a eu peut-être des jeux plus importants qu'on plus... qui ont plus révolutionné le monde du jeu vidéo que Breath of the Wild. Je pense par exemple à des gens indépendants notamment qui ont lancé des modes, etc. Donc, je pense que c'est compliqué de dire est-ce que Breath of the Wild est le plus important. Je pense que moi je dirais pas que c'est le plus important, c'est l'un des plus importants. Il fait partie clairement du haut du panier. À une époque où le monde du jeu vidéo AAA est dans un marasme complet avec tous ces open world et tout, et personne ne s'attendait à ce que ce soit ce jeu et surtout Nintendo qui mette un coup de pied dans la fourmilière. Donc en fait, il est assez important aussi parce que il nous a permis de découvrir autre chose du jeu vidéo parce que vraiment les années 2013-2015 niveau jeu vidéo. Mis à part The Witcher 3 en 2015, est-ce que vous vous rappelez des GOTY des années 2013 et 2014? Je pense qu'il n'y a pas grand monde pour s'en souvenir. Ça dépend si tu parles en termes de AAA ou pas, en fait. En termes de AAA, alors oui, il y a eu GTA V fin 2013, mais je sais pas, moi, mis à part ces deux jeux-là que je retiens, ouais, je n'ai pas énormément de souvenirs de cette période aussi. Puis 2017 était une année incroyable pour le jeu vidéo, ça c'était... Même 2017, en soi on peut même l'étendre jusqu'à début 2018. Hein. 2017 oui, c'est connu pour être une des meilleures années du jeu vidéo. Une des meilleures années du JV. Hein. Une année vraiment incroyable. Hein. On a Breath of the Wild, on a Nier Automata, Nier, Persona 5 qui sort en Occident, on a Hollow Knight... Céleste en début d'année 2018, oui, donc c'est pour ça moi j'aime bien l'étendre un peu. Ça, oui. On a Mario Odyssey, même si il y a des gens qui l'apprécient pas. Ça, oui, Mario Odyssey, je pense que c'est... En vrai, est-ce que vous trouvez vraiment que les jeux d'après se sont inspirés de Mario Odyssey? Non. Bowser's Fury. Non, parce que même Sonic Frontier, c'est pas tant. Sonic qui s'est quand même beaucoup inspiré de Mario dans tout temps, un peu. Ça a jamais été. Ça s'est pas vraiment inspiré pour Frontiers, hein. Même pour Forces. On en reparlera dans un potentiel épisode sur Echo et Tatum, mais At In Time, que j'ai fait récemment et dont je vais parler un petit peu dans l'émission. Je trouve que c'est un meilleur collectaton que Odyssey. Moi aussi. Au-delà de sa qualité, je pense que les collectatons suivants se sont beaucoup plus inspirés de The At In Time que de Mario Odyssey. Hein. En vrai, il y a Bowser's Fury. Après, il n'y a pas eu énormément de collectatons juste après. Hein. Je sais pas. Yooka-Laylee sort avant. Qu'est-ce qu'on a eu en collectaton plateforme 3D C'est un peu. C'est Matt Wolf. J'espère que ça va. J'en avais un en tête, mais je l'ai plus. Alors, il y a Demon Turf qui sort, mais lui, c'est un peu un cas particulier. Bah, il y a Tiny Kin, mais Tiny Kin ressemble plus à Pikmin. Balan aussi. Wonderworld, je sais jamais. Wonderworld. Qui s'inspire, le côté costume s'inspire peut-être un peu des chapeaux de At In Time, je sais pas. C'est quoi l'histoire de faire un stream, aller jouer à TOTK? On a de choses à dire sur des jeux qui sont très intéressants et qui ne s'appellent pas TOTK. Moi j'ai déjà fini TOTK, donc... Tu as déjà fini TOTK. On va éviter de trop parler de TOTK, surtout que moi je ne l'ai pas lancé, donc je serais un peu seul. Ah oui, je pensais que tu l'avais au moins un petit peu lancé. Non, même pas. Non, il est sous blister. J'attends d'avoir fini Tales of Arise parce que je sais que si je commence... Je ne finirai jamais Tales of Arise, ça fait déjà une fois que je l'ai abandonné. En plus, je pense qu'on fera un épisode sur TOTK parce qu'à mon avis, il y aura beaucoup de choses à dire. Moi, j'ai déjà plein de choses à dire alors que ça fait 2 heures que j'y ai joué. Hein. Clairement. Moi, j'ai énormément de choses à dire. Rien que sur Eiji Aonuma a décidé de faire le plus grand fuck à Miyamoto de sa carrière. Miyamoto lui a tellement cassé les couilles que je pense que vraiment il a fait aller nique ta mère. Voilà. Je dirais pas trop pourquoi, mais vous verrez. De toute façon, les meilleurs jeux Zelda ont toujours été faits. Miyamoto, c'est quand même Ocarina of Time, donc je suis obligé de dire. Aonuma en Coréal avec Koizumi. Un peu de dire merci à Miyamoto pour Ocarina of Time, mais c'est vrai que Majora's Mask, typiquement, c'est Miyamoto qui cassait les pieds qui cassait les pieds à Aonuma, et c'est Aonuma qui a plus ou moins fait Majora's Mask de son propre chef, et Miyamoto a essayé de lui mettre des bâtons dans les roues. Bah, en fait, il y avait deux visions qui s'affrontaient, c'était Miyamoto et Aonuma qui discutaient, l'un voulait faire un jeu qui était Ocarina of Time 2, mais vraiment Ocarina of Time 2. Ura Zelda, donc, qui deviendra par la suite Master Quest, même si beaucoup considèrent que Master Quest manque énormément d'éléments d'Ura Zelda. Il n'y a qu'à voir les prototypes d'Ura Zelda pour voir qu'effectivement, il y a plein de choses qui manquent. Et puis Aonuma disait non, mais nous on veut faire un jeu complètement différent. Et Miyamoto a fait une vidéo super intéressante sur la création de Twilight Princess. Miyamoto a fait ok, mais vous le développez en un an. Ils l'ont développé en un an. Et du coup, ils ont été obligés de ce concert réutiliser énormément de features, énormément de modèles d'assets, de tout. Oui, il y a eu aussi. Non, puis même d'idées jetées hein, d'Ocarina of Time. Il y a eu aussi le Wind Waker qui évoque Matt, sur le live, qui est aussi dont le style n'était pas très très apprécié par Miyamoto. Twilight Princess, c'est en gros Aonuma avait plus d'idées, il a demandé à Miyamoto et Miyamoto lui a fait bah écoute, reprends Ocarina of Time et vois ce qu'on n'a pas fait dans Ocarina of Time. Bah Aonuma d'ailleurs, il a dit en interview qu'il avait détesté faire Twilight Princess et que c'est l'un des Zelda qu'il aime le moins, je crois. Et qu'est-ce que je le comprends. Et bon, moi je suis pas d'accord, mais. Je le comprends, c'est vrai. Et c'est le deuxième meilleur épisode de la série en termes de vente, parce que en termes de vente, ouais. On n'est pas. Oui, mais en même temps, il triche, il est sur la Wii, quoi. Il est sur GameCube, Wii et Wii U. Donc, mais tu sais, Wind Waker, il fait 4 millions. Je crois que c'est un autre jeu, il n'est pas compté dans les mêmes ventes. Il fait 4,2 millions, je crois, Wind Waker, et Mario Sunshine fait 6 millions, hein. C'est pas des mauvaises ventes hein, pour Wind Waker, hein. Et Skyward Sword a fait moins que Wind Waker d'ailleurs. Ah bah globalement les. Bye Matt. Des bisous. Mais bon, cette émission n'est pas dédiée à Zelda. N'est pas encore dédiée à Zelda. Ce sera pour une prochaine émission. Pas la prochaine, parce que bon, vous comprenez bien que faire un jeu de 50 heures, même si on est très peu régulier. Bon, quand même quoi. Voilà, c'est ça. Parlons un peu de Tales of Arise, du coup, Jem, tu veux commencer? Oui, bah, je peux commencer si vous voulez aller direct dans le vif du sujet. Alors moi, du coup, je suis un assez grand fan de la série des Tales of. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui... Je sais pas si vous êtes familier avec cette série, peut-être juste de nom. Moi, j'avais vu les Let's Play de Ocarina à l'époque sur Vesperia et Symphonia. Moi, exactement. j'ai rejoué à rien du tout de Tales of. C'est aussi comme ça que du coup j'ai connu un peu les Tales of, c'est à travers les Let's Play du coup des Ocarina de Vesperia et de Symphonia. Et du coup, moi, j'ai beaucoup apprécié les deux. J'ai beaucoup aimé Symphonia, j'ai beaucoup aimé Vesperia. Et donc, du coup, j'attendais Tales of Arise. Alors, faut savoir que Tales of Arise, ça a un peu été le syndrome Breath of the Wild, c'est-à-dire qu'il a été pas mal repoussé. Bon, en vrai, il était pas mal repoussé à cause du Covid. Du coup, il est sorti en septembre 2021, donc pendant le Covid. Il a fait des super ventes. Il a fait, en l'espace d'un mois, je crois qu'il a fait 1 million de ventes. Qui, pour un RPG, c'est vraiment franchement pas mal. Et là, il était, je regardais, en avril 2022, il était à 2 millions de ventes à peu près, donc franchement pas mal. C'est vraiment le triple A des... Je sais pas si on peut dire le triple A des RPG, mais c'est vraiment, on sent qu'il y a du taf. Déjà, le jeu est magnifique, vraiment. Je sais même pas si on est en. Ah oui, non, on est même pas en HD. Attendez, bougez. D'accord, pas. J'ai cru que t'allais dire on est même pas en live. J'allais dire. Non, non, si. C'est juste, on est. J'avais pas mis la vidéo en HD là. On parle. Là, on visualise pas trop parce que c'est du combat. Après, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, le combat de Tales of, il y a beaucoup de trucs dans tous les sens, donc c'est très impressionnant. C'est plus impressionnant que du Persona ou des trucs comme ça. Il y a des jolies animations pour faire les finishes des ennemis, etc. C'est vrai que c'est peut-être un jeu où pour les combats, c'est plus visuellement intéressant que peut-être niveau gameplay, même si je trouve que là, pour le coup, dans celui-là, ils ont essayé, bah, notamment, il y a la mécanique qu'on voit de finish, en fait, où c'est un peu une... je sais pas si vous avez joué à Sekiro, à ce genre de choses, c'est un peu comme une barre de posture, en fait. Okay. C'est-à-dire que, en fait... Si tu enchaînes beaucoup de dégâts sur un ennemi, au bout d'un moment, tu vas faire une rupture. Et en fait, du coup, l'ennemi va être déstabilisé. Ensuite, ah oui, comme un Musso. Comme dans Octopath Traveler aussi. Comme dans certains Musso, genre Hero Warriors ou les trucs comme ça. peut-être. Ouais, mais non, c'est du tour par tour, mais quand tu enchaînes... Non, c'est pas que toi. Je sais plus quel jeu, mais il y a un autre jeu comme ça. Mais du coup, voilà, quand tu les enchaînes, au bout d'un moment, ils font une rupture. Ensuite, tu dois les enchaîner de coups avant qu'ils reviennent, qu'ils se remettent en place, en fait. Et du coup, si tu les enchaînes assez, tu peux leur faire un finish, et en fait, ça les tue. Et du coup, en fait, ça joue pas mal, parce que du coup, cette mécanique... elle peut te permettre de battre des ennemis. Bah typiquement, je crois que j'étais niveau 35, j'ai réussi à battre des ennemis qui étaient niveau 65, juste parce que en fait, je les ai enchaînés et que j'ai réussi à leur mettre un finish, et du coup, bah ça leur a enlevé toute leur vie, alors que j'aurais jamais réussi à les tuer sinon, quoi. C'est ouf ça. Et ça veut dire qu'il y a un problème d'équilibrage ou du coup Non, pas du tout. Justement, c'est le côté où il y a pas mal de skills en fait. Le jeu est assez. En fait, c'est-à-dire que d'un côté, je trouve que c'est assez équilibré parce qu'en fait, le jeu. Si jamais tu appuies un peu sur les touches au pif, pas au pif, tu vois, mais si t'as un jeu très mécanique où tu vas faire un peu les mêmes arts, les mêmes attaques en gros, en boucle, bah en fait, tu vas pouvoir t'en sortir, etc. Tu vas peut-être mourir 2-3 fois sur les boss, etc. Ou pas, mais du coup, c'est assez beginner friendly en vrai. Mais par contre, si tu maîtrises le jeu, tu peux vraiment faire des trucs où tu vas faire les ennemis sans te prendre aucun dommage. Parce que tu vas faire des esquives en boucle. Ouais, tu peux pourrir les boss, quoi, genre... C'est ça, tu vas faire des esquives en connaissant les patterns, etc. Tu vas pouvoir les enchaîner, tu vas pouvoir utiliser... Là, on voit qu'il y a des petits symboles lumineux, en fait, c'est parce que tu peux déclencher des attaques de tes autres personnages qui, du coup, permettent de déstabiliser un peu les ennemis, etc. Ce qui fait qu'en fait, quand tu maîtrises vraiment toutes les mécaniques du jeu, etc., en fait, c'est quasiment un jeu de combat, en fait. Tu vas faire... tu vas savoir, je peux utiliser telle action et je peux faire un combo sur telle autre action qui va me permettre de déstabiliser l'ennemi. Ensuite, je vais pouvoir lancer l'attaque de l'autre perso qui va me permettre de lancer, etc. Et vu qu'en plus, Tales of, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que tu peux jouer tous les persos de ta team, tu peux pas jouer que le perso principal. Bah du coup, en fait, t'as plein de différents. C'est-à-dire que t'as un gameplay épéiste classique, mais déjà l'épéiste, il est un peu spécifique parce que du coup, il a une attaque où en gros, ça lui coûte des PV, mais du coup, il fait très très mal. Donc déjà, c'est un peu plus profond que juste un épéiste. T'en as la figue là qu'on voit en train de se déplacer. Elle tire elle a des arcs de soins et elle tire à distance. Donc c'est un gameplay différent. T'as le gameplay mage. T'as le gameplay plus perso qui esquive. T'as le gameplay plus combattant, etc. Et du coup, vu que t'as pas mal de gameplay qui sont assez différents, bah du coup, le jeu est pas répétitif, alors qu'on pourrait se dire, bon bah c'est un... Ça ressemble un petit peu à du... C'est ce que Noé me disait quand je lui parlais du jeu. C'est vrai qu'il me disait « Ah, c'est vrai que quand tu regardes les combats, ça fait un peu beat'em up du pauvre, etc. » Mais en fait, quand tu joues, t'as vraiment pas cette impression-là, en fait. Je voulais te poser la question, très parce plaisant. Que je sais que tu l'as fait. Ça t'a rappelé ou pas Final Fantasy VII Remake? Pas vraiment, parce que c'est vrai que FF7 Remake... T'as ce côté que j'aime pas trop, où quand tu veux lancer une attaque, etc., c'est moins fluide, en fait, parce que je dois me mettre sur un bullet time, un peu, et où tu vas lancer ta magie ou ton truc comme ça, tu vois. Tandis que là, ça se fait de façon fluide, tu vois, tes arts, tu les lances de façon fluide, comme si c'était des attaques classiques, quoi. Donc, okay. C'est vrai que, pour le coup, je préfère la façon de jouer Tales of Arise, et là on voit les environnements qui sont vraiment incroyables. Moi je trouve que c'est... Moi j'y ai pas joué, mais quand j'ai vu les combats, parce que la première fois que je vois des images de Tales of Arise ou presque, ça m'a vraiment fait penser à du Final Fantasy VII Remake avec cette alternance entre les... Bah, moi c'est ce que j'allais dire là. Différents personnages... Bah peut-être, mais c'est le côté... Oui, il y a ce côté où t'alternes entre les persos, mais c'est vrai que t'as pas ce côté que je trouvais un peu désagréable dans FF7... Dans FF7 Remake, de côté où il y a un bullet time à chaque fois que tu veux utiliser un objet ou un soin, etc., ce qui fait que bah, ça te sort un peu de la scène. Là, justement, si tu veux lancer un objet, bon bah... Ouais, côté Xenoblade, c'est ça dit dans le chat. Oui, peut-être aussi. Mais Xenoblade, pareil, t'as tes persos, ils tapent tout seuls, etc., je sais pas, c'est un peu étrange aussi. C'est vraiment, faut avoir la manette en main pour voir un peu ce que ça fait. Et du coup, voilà. Mais je pense que vraiment, les combats sont cool. Mais moi, vraiment, ce que je trouve super intéressant dans Tales of Forest, c'est les thèmes du jeu. Parce qu'en fait, bon, je vais faire une petite partie synopsis. Du coup, en fait, l'histoire, c'est que donc tu es sur Dana, qui est une planète... planète. Oui, donc, voilà. j'ai fait la même 600 fois. Et du coup, tu es sur Dana, qui est une planète. Et en fait, cette planète, il y a 300 ans, s'est fait envahir par une autre planète, qui est une planète juste à côté, en fait, qui s'appelle Rena. Et du coup, en fait, t'as les Réniens qui ont réduit les Daniens en esclavage. Et du coup, toi, en fait, tu es donc Alphen, du coup qu'il y a un Dania qui va un peu se rebeller contre du coup les Rainiens. Donc c'est vrai que ça fait scénario assez classique. Mais ce qui est super cool, c'est qu'en fait ça traite des sujets que dans les RPG on n'a pas du tout vu. C'est-à-dire ça traite la colonisation, ça traite l'esclavage. Et du coup, mais vraiment sur des facettes où tu te dis, mais un RPG va pas traiter ça. C'est-à-dire que par exemple, les Rainiens, ils ont colonisé les Daniens, mais du coup, ils ont détruit leur culture en fait. Mmh. Ils ont détruit leur culture, et du coup, en fait, ils sont pas capables de penser la société sans être exploités en fait. Et pareil, chaque royaume, parce qu'en fait, on va croiser chaque royaume, et au début, tu te dis, bon, il y a un royaume de feu, il y a un royaume de forêt, il y a un royaume de neige, etc. Tu te dis, bon. C'est classique biome de RPG, etc. Mais ce qui est super intéressant, en fait, c'est que chaque royaume va te présenter une facette, du coup, justement, de l'exploitation, etc. C'est-à-dire que le premier royaume, c'est vraiment l'esclavage, où tous les esclaves sont dans vraiment de mauvaises conditions, ils meurent à la tâche, etc. C'est vrai que le premier royaume est peut-être le moins intéressant, en plus, visuellement, il n'est pas très passionnant. Mais il faut s'accrocher, parce qu'en fait, les royaumes d'après, ils ont vraiment des approches qui sont beaucoup plus nuancées. C'est-à-dire que tu as un... Le deuxième royaume, en fait, c'est beaucoup plus dans cet esprit dénonciation, en fait. C'est-à-dire que toutes les personnes, elles ont peur de se faire dénoncer, et du coup, personne n'ose se rebeller parce qu'ils ont peur de se faire dénoncer. Et en même temps, t'as le côté un peu France occupée où bah, tu vas aller dénoncer ton voisin pour qu'on te donne à manger, etc. Parce que toi, tu galères dans la vie, du coup, si tu peux t'en sortir bah, en dénonçant ton voisin, bah, finalement, tu vas le faire. Bah ouais, ok. C'est ça. Troisième royaume, c'est super intéressant parce qu'en fait, c'est le royaume qu'on voit ici. En fait, c'est un royaume qui est ultra prospère et où en fait, t'as une apparente harmonie entre les Rainiens et les Daniens. C'est-à-dire, ils vivent en harmonie, etc. En même temps, t'as le côté un peu bizarre de... Finalement, il y en a toujours un qui est au-dessus de l'autre. Tu vois, c'est des esclaves, ils sont libérés, mais en même temps, il y a toujours une hiérarchie un peu un peu entre les deux. Et du coup, chaque royaume, comme ça, pose une variante comme ça des questions d'esclavage, de colonisation, etc. Et okay. C'est vrai que c'est assez... Pour le coup, c'est des sujets que, quand tu dis un RPG, va pas forcément les traiter, quoi. Parce que moi, j'avais joué à Illusion of Time, donc c'est un RPG de 94 qui traitait un peu de ces thèmes, mais vraiment en surface, hein, c'était assez... mais il les traitait. Ce thème de l'esclavage et tout, et c'est assez intéressant. C'est vrai que c'est des thèmes qu'on voit pas souvent, surtout que c'est des thèmes que tu devrais voir souvent, parce que c'est souvent une question de comment dire d'égalité, l'opprimé contre l'adjectif que je cherche, l'oppresseur, voilà. L'oppresseur. donc ouais, c'est assez intéressant qu'il y ait un jeu qui vraiment discute de ces thèmes. Et... Bah c'est ça, surtout qu'en fait, ça pose beaucoup de questions. C'est-à-dire que tu as toute la question de, par exemple, dans ta team, tu as des Rainiens aussi, en plus des Daniens, tu vois. Donc tu as un peu le côté de, ils rejoignent ta cause, mais en même temps, quand les personnes, ils sont libérés par des gens qui sont du même peuple que ceux qui les ont oppressés depuis des centaines d'années, bah forcément ils sont en mode mais qu'est-ce que tu fais, t'es censé être notre libérateur mais tu te balades avec nos ennemis, donc c'est vrai que t'as ce côté, en plus ce côté un peu racisme, et finalement ce côté un peu est-ce que finalement on peut pardonner à des individus l'attitude de tout un peuple. Et c'est vrai que le jeu il le dit clairement, quoi. C'est-à-dire que t'as des persos qui vont dire mais attendez, mais du coup c'est vrai que du coup les parallèles se font assez rapidement, mais c'est vraiment des trucs, mais attendez, moi je peux pas m'allier avec vous. Notamment, il y a un perso qui est vraiment dans cette optique là, c'est je peux pas m'allier avec vous, vous avez détruit ma culture, etc. Genre machin. Et t'as vraiment des trucs, par exemple, qui sont vraiment des références directes à des situations réelles. C'est à dire que par exemple, les Daniens, ils n'ont pas de nom de famille, et ça, okay. Ça fait écho directement du coup à l'esclavage, notamment aux États-Unis, où les esclaves n'avaient pas de nom de famille. On sait que, par exemple, Malcolm X, il s'appelait X parce que, justement, ça faisait référence aux esclaves qui n'avaient pas de nom de famille. Et c'est vrai que, du coup, c'est des sujets, surtout dans un jeu japonais. Bon, on sait que les Japonais, voilà. Mais c'est vrai que c'était assez l'impérialisme, le Japon, quand même. Mais du coup, c'est vrai que ça... Je trouve que c'est vraiment un sujet qui est super cool à traiter. Alors, je ne sais pas si ça va continuer jusqu'à... Merci, Score. Je ne sais pas si mes analyses sont passionnantes. Mais c'est super intéressant. Mais voilà, moi pour le coup, vraiment, Tales of Arise, j'étais en mode... Les thèmes abordés sont vraiment super cool. C'est, ça, vraiment, ça s'éloignait du RPG classique qui va te dire « Oh là là, vous savez, la civilisation millénaire qui a disparu, on ne sait et pas en fait, pourquoi. » Et en fait, on la retrouve, mais en fait, ils sont pas gentils. Et en fait, le méchant, il veut faire un sort ancestral. Ouais, allez. Et en fait, la meuf, c'est une héritière de cette civilisation, etc. Et elle a un cœur pur, et vas-y, le réceptacle du jeu méchant, vas-y, c'est bon. C'est ça. Donc là, on sort un petit peu plus de ça, on a des thèmes. Bon, bien sûr, c'est toujours le truc de... C'est des planètes voisines, etc. Tu vois, on ne peut pas directement dire tuer un Africain qui est envoyé aux États-Unis pour aller dans les champs de coton, tu vois. C'est, évidemment, ça reste un JRPG, ça reste... Ça reste de la fiction, etc. Mais c'est vrai que du coup, les parallèles sont assez bien faits. Et vraiment, il y a des questionnements qui sont super intéressants. Et moi, honnêtement, bah, du coup, il y a deux autres personnes sur le serveur qui ont fait jeu. Et vraiment, ils ont tous apprécié parce que vraiment, le jeu, c'est bien niveau gameplay. Encore une fois, niveau visuel, il est vraiment magnifique. Et niveau histoire, en plus, tout est doublé. Donc après, c'est un jeu qui n'a pas été bridé pour sortir sur Switch, quoi. Ouais, c'est ça. Vraiment, c'est bon. Le jeu, alors pour le coup, il met la PS4, faudrait limite y jouer sur PS5 parce qu'il met la PS4 à genoux. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre quand j'y jouais à l'époque. Ta PS4 Pro, t'avais la Pro ou la dernière? Ouais, j'ai la Pro et ouais, la apparemment Pro, elle souffle. Quand je l'achèterai sur PS4, qui est juste à côté de moi, et ben je te dirai si... Alors il tourne bien hein, pour ouais. Le coup là c'est après moi je joue sur un pro mais il tourne bien, c'est d'ailleurs qu'il n'y a pas de baisse de FPS ni rien, il tourne en 60 FPS, ce qui fait que du coup quand j'y jouais en remote play je voyais la différence parce que du coup mon écran il était en 30 et ma PS4 elle est en 60 et je voyais vraiment la différence de FPS, donc c'est vraiment que le jeu il est super fluide et notamment pour les combats c'est super agréable qu'il soit super fluide. Mais vraiment, le jeu, bon, de temps en temps, t'as un peu les trucs de... tu vas te téléporter, et du coup, pendant genre une ou deux secondes, quand t'arrives dans une zone, il y a un peu de clipping, le temps que les arbres, ils se mettent tous en place. Mais sinon, t'as pas de... Bah, c'est la vidéo hein, qui a des soucis. Ouais, c'est la vidéo, mais même, c'est une vidéo de la démo. Donc, le jeu, il fait pas du tout comme ça. Mais vous voyez qu'il y a assez peu... Il y a du clipping un peu d'ombre de temps en temps. Mais par contre, la musique m'encule les oreilles, genre c'est super fort dans les miennes, donc je vais juste baisser et monter sur le live. mais voilà, j'encourage. Désolé, je me suis un peu. T'inquiète. Je suis un peu étendu sur le jeu, mais vraiment. Tu n'as mis que 10 minutes. J'encourage chaudement à le faire parce que vraiment, il est super super cool. Donc écoute, voilà, je pense que ça peut être une très bonne porte d'entrée pour les Tales of, notamment si vous voulez en faire d'après, parce que... Ah moi, au pire, go PC. Vraiment... Est-ce qu'il est sur PC? Très bonne question, ça. Oui, il est sur PC. Il n'y a que sur Switch où il n'est pas, je crois. Jem, c'est pas plus mal. Grand fan de Tales of que tu es. Alors, grand fan de Tales of, de la série. Je les ai pas du tout tous faits. Est-ce que c'est le meilleur que t'aies fait? Je l'ai pas fini, donc c'est compliqué. J'attends beaucoup de voir la fin parce que c'est vrai que. Je crois que c'est Vara qui avait dit que la fin était bizarre, mais ok. C'est ça, la fin. Vara, parce qu'en fait, la fin s'éloigne un petit peu des thèmes que j'ai abordés, etc. Donc c'est vrai que vu que ça sort un peu de la zone de confort du début du jeu, tu te dis, voilà. C'est-à-dire que vraiment, l'histoire, pour vous dire sans spoil. Le jeu est tellement séparé qu'en fait, c'est le premier jeu où je vois ça, il y a deux openings. C'est un peu forte. Ah oui. C'est un animé, le bordel. C'est ça, ouais, j'ai jamais vu ça. Mais en gros, quand tu passes un stade du jeu, t'as un nouvel opening. Du coup, t'es en mode. Donc, c'est vraiment le côté où le jeu est vraiment scindé en deux tiers, un tiers à peu près. Je connais d'autres jeux qui le font, mais je ne peux pas en parler. Ah. Peut-être, effectivement. Ah bah, en vrai, il y a un peu... Nier Automata fait un peu ça, mais... Mais Nier, c'est plus genre c'est, l'écran, entre guillemets. C'est ça. Mais du coup, voilà, c'est globalement, le jeu est scindé en deux parties. Donc là, je suis dans la deuxième partie. La première partie, j'ai surkiffé, mais du coup, reste à voir si la deuxième partie va être aussi juste que la première. Ok. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a donné envie. Premier degré, oui, un peu. Ouais. Moi, j'avais vu le test de Red et j'avais beaucoup aimé le jeu. Apparemment, il était très très bien. Et non, c'est. J'ai l'impression que dans les décors, il y a quand même une. J'ai l'impression qu'il y a une vibe Xenoblade. Ouais. Il y a une vibe Xenoblade dans alors, les décors. C'est ce royaume qui fait très Xenoblade, mais vu qu'en fait, il y a beaucoup de royaumes différents, les ambiances sont très très différentes les unes des autres. C'est ça qui est très. Ah, okay. Ok. Ok, ok. Celui-là fait très Xenoblade, c'est vrai. Moi, je vais parler de deux petits jeux avant d'entamer un des jeux que j'ai, des gros jeux que j'ai fait. Je voudrais parler de Cloudpunk parce que je sais que toi tu l'as fait, Alix. Ah, bah attends, je vais te chercher un petit long play en espérant que je puisse le trouver. Alors, malheureusement, je ne peux pas mettre d'OST parce qu'elle n'existe pas. Ou alors, elle a été postée récemment, mais. Non, elle n'existait pas au moment où j'ai fait des recherches. Donc... Ah, OST. Si, full and tracklist. Ah, bah cool. J'avais pas compris les scores que tu parlais du au niveau visuel, je croyais que tu parlais au niveau du gameplay pour Xenoblade. Non. Mais oui, effectivement, c'est vrai que ce royaume-là ressemble pas mal à Xenoblade. Et donc, du coup, Cloudpunk, comment dire ? Le jeu a une très très belle ambiance, il a une très belle forme, les musiques sont cool, l'ambiance est là. Et c'est dommage que le jeu s'en serve pas. C'est-à-dire que t'as plein de personnages, t'as plein de lieux à visiter. Le jeu, il est immense, hein, vraiment. Le jeu est vraiment très très très très grand. Je crois qu'il est en 7 zones qui font peut-être 5, 10, 15 minutes de bagnole de bas en haut. Le jeu est immense, mais le jeu est immense pour je sais pas trop quoi. Bah en fait j'avais donné pour moi c'est un des défauts, mais en même temps si on le refuse à Cloudpunk, on le refuse à Breath of the Wild aussi. Ah, c'est intéressant ça. Et pour moi c'est purement pour satisfaire la soif de découverte. Et la soif de allez vas-y on va à tel endroit, etc. Ouais, je suis. Mais par contre. Pour moi, Cloudpunk, promis, après je te laisse, je te laisse dire. Promis, en fait, pour moi, Cloudpunk met bien plus en avant l'exploration que ce putain de Cyberpunk 2077. Mais après, ça a pas du tout l'air d'être le même style de jeu. En fait, moi j'ai un gros souci parce que je suis partiellement pas d'accord avec toi. Pour la simple et bonne raison que. Alors après, moi j'ai fait le jeu sur Switch, donc ça se trouve, il y a pas mal de soucis. Le jeu tourne, ça c'est déjà un bon point. Le jeu tourne sur Switch. Apparemment sur Switch. Bon, il est beaucoup moins beau, mais il arrive quand même à soulager tout ça. C'est un jeu qui est pas très bien optimisé, Cloudpunk. Mais c'est du pixel art, comment ça se fait que ça tourne ? C'est du voxel. En fait, il y a beaucoup d'effets de lumière. Oh. Et ça se voit pas, mais. J'ai eu des crashs à la sortie et mon PC était à bout de souffle. Mais après, voilà, par exemple, Cloudpunk, lui, il est sur Switch, j'ai pas eu de crash. Luigi's Mansion 3, il a eu un crash, donc. Oui, Cloudpunk, mais bon. Bref, non, ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'il y a beau. Alors, le principe, il est simple, tu incarnes un chauffeur de. chauffeur tout court. Et donc, tu dois livrer des paquets dans la ville de Nivalis. Et ton objectif, c'est de les livrer sans poser de questions. Et là, déjà, j'ai un problème. Parce que je me suis dit, lorsque j'ai lancé le jeu, ah chouette, ça veut dire qu'on va pouvoir regarder dans les paquets, dans les trucs comme ça. Alors non. Soit j'ai pas trouvé. Tu n'as pas compris. Et c'est dans la description Steam du jeu, c'est pas sans poser de questions. Les règles de Cloudpunk sont simples. Règle numéro 1, vous livrez les colis. Règle numéro 2, il est interdit d'ouvrir les colis. Parce que c'est juste être un facteur. Le facteur n'est pas censé ouvrir les colis. Ouais, mais quand non, tu mais, as. Non, mais il est interdit. Il est interdit de. En fait, c'est genre. En gros, c'est. Fais ton job et ferme ta gueule, quoi. Un des premiers colis que t'as à livrer. Je spoil un peu, James, je sais pas si tu vas faire le jeu, mais je pense pas. L'un des premiers colis que t'as à livrer, c'est un truc qui fait tic-tac. C'est un truc qui fait tic-tac, oui. Et donc, t'as deux choix, soit tu vas livrer le colis, soit tu le livres pas. Soit tu le fous à la benne. Et moi, je me suis dit, ok, c'est peut-être une bombe, mais ça peut être autre chose, tu vois. Et je me suis dit, ce serait cool de regarder dans le colis pour savoir un petit peu ce qu'il y a et prendre une décision. Justement, je trouve que si tu voyais, tu perds cette notion de peut-être pas de ouais mais Ah, moi je trouve que le jeu il aurait pu par exemple, parce que je rate une livraison, je crois qu'à un moment donné tu peux rater une livraison ou un truc comme ça. Oui, le tu jeu, peux entre rater une livraison, je l'ai raté. Le jeu te dit attention, ce sera la dernière ou un truc comme ça, enfin c'est pas grave mais il faut pas que ça se reproduise. Et moi je m'attendais à ce que justement si tu regardes les colis, il y a des conséquences ou des trucs comme ça. Et ça m'a un peu manqué de me dire... Mais il y a des conséquences. Par exemple, ce fameux premier colis, je sais pas si toi tu l'as mis à la benne ou si je l'ai mis à la benne, le premier colis. Moi aussi, je l'ai mis à la benne, mais j'ai refait une partie pour les besoins d'une vidéo qui peut-être sortira un jour, où j'ai fait tous les choix que je n'avais pas fait, chose que normalement je ne fais pas, mais là j'en avais besoin pour ma vidéo. Et en fait, contrôle, qui est le Lesgord l'a livré typiquement, et en fait contrôle. Qui est ton supérieur hiérarchique. Le vieux monsieur qui te dit. Dans la première mission, il te dit rien, il te dit juste bah voilà, t'as livré le colis, c'est bien, tu vois. Tu as fait ton travail. Il te dit un truc genre nous n'en attendions pas moins de toi, tu as fait ton travail, c'est très bien. Et si jamais tu le livres pas, tu le fous à la benne. Il te dit, écoute petite, ce que t'as fait c'est pas bien, je dois te prévenir, mais le refais pas parce que sinon tu vas avoir des soucis en fait. Ouais mais tu vois, il n'y a pas ces conséquences. Moi j'ai pas trop, mais la seule conséquence qu'il y a eu c'est à un moment donné lorsqu'un personnage doit mourir, et encore je sais même pas parce que ils sont en fait, tu vois. Tu coupes pas mal, Nechiku. Je disais, je parle de... Il y a un personnage qui doit mourir à un moment donné dans le jeu. Tu te rappelles de qui c'est? C'est Huxley. Oui. Mais de toute façon, il est condamné, quoi. Que tu le sauves ou pas. Oui. Bah oui, mais justement. Ouais, mais je sais pas, moi j'ai du mal avec cette histoire. Mais je suis d'accord avec le fait que tu vis pas assez les conséquences de tes livraisons. Cependant, je trouve quand même que tu les vis plus que dans Life is Strange, mais les conséquences de tes actions tout court. Ah oui, d'accord. Mais là où je trouve que oui, tes actions ont pas forcément autant de conséquences que ça devrait, mais je trouve quand même que justement le jeu fait le parti pris que t'es une mercenaire. Ouais, c'est ça. C'est surtout... en fait, le jeu te pousse en fait à être justement une mauvaise livreuse. À être une personne qui justement fait pas bien les tâches, le fait... genre, a trop de morale, a trop d'éthique. C'est intéressant comme point de vue. J'ai pas vraiment trouvé ce point de vue, mais c'est intéressant. Et d'ailleurs, c'est encore plus renforcé par la présence du troisième personnage dont tu n'as pas parlé, le Xieng. Oui, Camus. Camus, qui est mon personnage préféré du jeu. Très vraiment mon perso. Qui est super bien écrit. Mais tu vas parler de Camus. Moi, je m'attendais à ce qu'il retrouve une formule à un moment donné. Alors, je sais pas si c'est possible dans le jeu, mais au départ, ça te tease un peu en disant « Ouais, faut qu'on te trouve une forme... » C'est possible. Je dis pas comment, mais c'est possible. C'est possible. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors, il y a un bar, c'est une des toutes premières missions du jeu, mais je pense que c'est parce que c'est la version Switch. Tu rentres dedans, il n'y a personne. Sur PC, il y a des gens. Il y a juste le DJ. Alors, sur la version Switch, il y a juste le DJ qui s'enjaille tout seul. Non, sur Switch, sur PC, il y a des gens. Sur PC, il y a au moins 4-5 personnes. Je sais parce que je leur ai parlé. Il y a au moins 4-5 personnes. Mais vraiment, sur la version Switch, faudra que tu regardes des vidéos de la version Switch. Vraiment, le mec, il est tout seul, ça doit être terrible. Chaud ce soir, il y a personne. Mais ce qui m'intéressait par rapport à ce que vous disiez, alors peut-être que je me fourvoie, mais je pensais à Papers, Please, qui est un peu dans la même optique. Et je me demandais si le fait que tu n'aies pas vraiment les conséquences du coup de tes livraisons, c'est pas un peu la même chose. C'est-à-dire que dans Papers, Please, tu laisses les gens passer, mais tu sais pas... Par exemple, tu vas le faire par pure opposition au gouvernement, mais ça se trouve, le mec que t'as laissé passer, s'il est recherché, c'est pour une bonne raison, tu vois. Mais en même temps, tu sais pas ce qui va se passer après, tu vois. C'est un peu ça. Tu vas laisser passer la personne, mais ça se trouve, c'est un terroriste qui va tuer des gens, tu vois. Là, il y a une mission, c'est littéralement ça, Jem. Une mission, c'est littéralement, tu emmènes quelqu'un, dans une entreprise. Et en fait, bah, le mec c'est un terroriste et il va faire péter la, il va faire péter l'entreprise. Mais ce que je veux dire, c'est donc, que des fois, mais des tu le sais pas. Des fois, c'est intéressant en fait de ne pas savoir les conséquences de tes actes, parce que en vrai, dans la vie, bah, tu vois pas forcément la conséquence de tes actes en fait. Du coup, c'est, moi, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé Cloudpunk, même si je trouve que la fin est bon. Bizarre. On va pas trop en dire, parce que pour le coup, la fin est super intéressante. Mais en fait, le problème, c'est que la fin est elle aborde des thèmes super intéressants, parce que là, en gros, c'est un jeu qui parle de, c'est un jeu cyberpunk qui exploite le cyberpunk, c'est-à-dire que ça parle de sentience. Vous avez vu, il y a Hugo de GND à l'image. Ça parle de sentience, ça parle de robots qui deviennent des humains, enfin qui ressemblent à des humains, qui veulent ressembler à des humains, qui en fait sont peut-être plus humains qu'on le pense. Ça, des gens qui sont des humains mais qui paraissent des humains mais qui en fait sont des robots. Oui, c'est mon méga kiff et ça vient de là. C'est incroyable et il aime pas Persona 3. Hein. C'est fou. C'est triste. Ouais, il y a vraiment une femme qui est détestable, genre la femme avec le tableau là. Ouais. Elle m'a cassé les pieds. Du coup, je l'ai pas sauvé. Hein. Ouais, bah. Mais tu vois, genre, bah. Moi c'est un truc que je trouve super intéressant dans Cloudpunk, parce que c'est vraiment super bien traité. C'est super bien travaillé, notamment avec le perso de Camus, qui est une pépite, parce que, en gros, au plus ton perso avance, au plus bah, elle se familiarise avec la ville, avec le système de Cloudpunk, etc. Cloudpunk est le nom de l'entreprise de livraison, du coup. Oui, absolument. Et ce que je trouve super intéressant, c'est que là où Rania, l'héroïne principale, bah en fait elle va être de plus en plus en mode non mais vas-y viens on fait ce qu'on nous dit, viens on fait pas de problème. En fait le faire sans humanité, sans réfléchir. Camus, qui est un chien à la base, hein, mais qui du coup a une comme il est transformé dans une petite IA. Ils appellent ça un automata en anglais. Ouais, c'est un automate dans la bagnole. En gros, c'est imaginez votre GPS voiture qui te parle. Imaginez votre GPS qui vous parle ou votre voiture Tesla qui vous parle. C'est un peu pareil. Mais voilà. Et ben, en gros, Camus, lui, va au début va être en mode non, bah vas-y, fais un peu ce que tu veux, Rania. De toute façon, c'est toi la boss et tout. Puis au fur et à mesure, il va voir que Rania va un peu tomber, tu vois, dans ce système un peu malhonnête, etc. Parce qu'on ne sait pas ce que fait Cloudpunk. On vous a dit que on livre des colis, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et à un moment, il va être en mode non, mais on ne sait pas à qui on les livre et on ne sait pas ce qu'on livre. Et à un moment, Camus va justement être en mode mais non, mais Rania, mais qu'est-ce que tu branles? Genre, non, faut vraiment pas faire ça, c'est pas bien. En fait, c'est vraiment horrible ce que tu fais. Le fais pas. Et je trouve que c'est super intéressant que les deux persos principaux, parce qu'en vrai les deux fonctionnent en miroir, bah justement on fonctionne en miroir avec une évolution qui est inversée, et je trouve juste que c'est trop bien. Et il y a deux persos principaux. Bah, il y a le chien et il y a Rania, du coup. Le chien, c'est un perso principal. Ouais, le chien, c'est un perso principal. Il parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et moi, j'irais Contrôle. Hein. Oui, Contrôle aussi. Contrôle qui est quand même un perso. Mais dernière critique sur Cloudpunk, tu sais, il y a des courses de rue par exemple. Ah, il y a l'histoire des panneaux, je les ai pas trouvés les panneaux. Ah, je m'en rappelle pas, qui ça provoque des accidents. Faut que tu répares les panneaux ou un truc dans le genre. Ah, ça me dit rien. Sur genre accident à un moment donné, les courses de voiture, t'en entends plus parler. Et puis surtout, Rania, la fille à la fin du jeu, tu vois, que tu ramènes dans ton appartement. Ah oui, oui, ok. Vous êtes en train de tout spoiler, hein, vraiment. À quoi ça sert ? J'espère qu'il n'y a personne sur le stream qui veut faire le jeu, parce que... À quoi ça sert ? Vous avez parlé du jeu du début à la fin, quoi. Parce que même à la fin du jeu... Non, ouais, on a rien spoilé. Pour le coup, on a rien spoilé. Il se passe pas grand-chose, en fait, à la fin du jeu vis-à-vis de cette fille, du coup. Ouais, mais justement, en fait, le truc, c'est que tout laisse à penser... Parce qu'en fait, Nivalis, c'est aussi le nom du prochain jeu de Ion Games. Du coup, ils vont faire une suite. Pourquoi ça va être mon jeu préféré? C'est littéralement, on gère un restaurant dans une ville cyberpunk où on peut chercher les ingrédients. Voilà pourquoi ça va être mon jeu préféré de quand il sortira. Mais en fait, tout continue de se passer dans Nivalis. D'accord. Donc en fait, tout laisse à penser que ça va être une suite. C'est peut-être pas avec le même perso, pour ça que mais j'ai trouvé le jeu un peu trop ambitieux et puis surtout qui justifiait pas tout ce qu'il fait. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est que le délire de servir des trucs dans des mondes cyberpunk, c'est quand même très spécifique comme délire. Il y a plein de jeux qui répondent. Il y a plein de jeux qui le font, mais moi, je ne comprends pas. J'aimerais beaucoup faire des. En fait, il faudrait que je fasse des recherches dessus, d'où ça vient et tout. Et j'aimerais beaucoup faire une vidéo sur ce genre de jeu. Parce que c'est des jeux qui me passionnent, mais et j'en ai aucune utilité. Je sais pas pourquoi. Tandis que moi, je voudrais juste un RPG avec des mécaniques de survie, ça n'existe pas. Personne n'a envie de le faire. C'est terrible. C'est, ouais. Non, mais après, bon, voilà, pour Cloudpunk, donc c'est un bon jeu, mais j'ai pas creusé davantage. Mais c'est peut-être parce que le support convenait pas, peut-être parce que j'avais pas la sensibilité aussi de certaines choses. Pas le jeu du siècle hein, non plus, je l'aime beaucoup, mais c'est pas un bon jeu, mais je trouvais qu'il manquait dans la forme, il est vraiment très cool, mais dans le fond tu sens que Nivalis elle est un peu trop grande pour pas grand chose. Il y a des trucs qui sont sympas, genre par exemple tu vois le Corpsec, c'est une corporation etc, mais tu sais pas grand chose d'eux par exemple vis-à-vis, c'est un peu comme Arasaka dans Cyberpunk, tu vois, c'est la méga corporation qui dirige la ville, mais en même temps tu connais pas grand chose d'eux et tout. C'est un petit peu, on vit dans George Orwell quoi. Tu sais j'ai un peu l'impression que ce jeu c'est une espèce d'invitation à passer juste une nuit, parce que le jeu se déroule en une nuit. Le jeu se déroule en une nuit. Et, ouais. Et juste après à te dire bon bah voilà, vous avez passé une nuit à Nivalis. Félicitations. Mais après, je crois que c'est l'un des premiers jeux d'Ion Games. Le deuxième. Le premier, il l'avait raté, surtout au niveau de la réal. Il voulait vraiment améliorer la réal, puisque je me suis un peu renseigné sur le jeu. Et le jeu tourne vraiment sur Switch. Hein. Je trouve que le jeu, il est quand même. Bon, évidemment, à toute proportion gardée, mais quand même, il tourne. Donc, du coup, on se retrouve avec un jeu qui est assez. Mais du coup, faut pas une grosse config pour le faire tourner. Faut pas non plus. En fait, ça dépend. Il faut pas une grosse config pour le faire tourner non plus. Mais c'est pas un jeu qui se. En fait, le truc c'est que comme le jeu se base beaucoup sur ses effets de lumière, si tu retires les effets de lumière et le mode low le fait, le jeu est vraiment moins joli. Donc c'est. C'est moins immersif, c'est moins cool, je trouve. Parce qu'après, t'as toujours la solution si ta config suffit pas d'y jouer en cloud gaming. Oh putain, oh bien joué. Ah, elle est bien, mais terrible. Je la prépare depuis. Terrible. Okay. Cloudpunk gaming. Tiens, ça va être à toi du coup de parler, Alix. Moi, on va rester dans les trucs qui. On va rester dans les trucs qui volent dans l'espace, mais pas vraiment. Je vais parler d'un jeu qui était même pas sorti, qui était sorti, j'étais pas né. Je vais parler de Metroid Prime. Je vais juste chercher une petite Metroid Prime chill OST parce que bon, on va pas mettre des musiques de zinzin. Qui est sorti pas très loin de la naissance, je crois. En 2002, il est sorti. Donc oui, mais je suis né en 2002, voilà. Mais précisément, je crois que c'est. Novembre, je crois, 2002, si j'ai pas de bêtises. Non, je sais plus. Metroid Prime. Okay. Ah non, autant pour moi. Sorti 6 mois après ma naissance, quand même. Mais moi, je vais pas parler que de Metroid Prime 1, je vais aussi parler de Metroid Prime 2 que j'ai fait légèrement. J'ai joué 5-6 heures. Moi, je vais juste 7, parler du 1 vraiment. Parce que j'ai fait le 1. J'ai fait le 1, mais attention, j'ai pas fait le 1 remastered, j'ai fait le 1 sur Wii, console d'origine. On a l'impression que tu vois une voiture là. Je l'ai fait du coup avec. Je l'ai pas fait à la manette, je l'ai fait à la Wiimote. Et j'ai trouvé que c'était beaucoup plus agréable à jouer. À la Wiimote que à la manette. Ça fonctionne très bien avec la Wiimote. Et je trouve que ça fonctionne très bien, c'est vraiment très très immersif. Et je trouve que en fait déjà Metroid Prime c'est un jeu qui a une ambiance de taré qui vraiment j'ai adoré me promener dans Talon 4, dans Magmor, dans tout ça, Fendrana, dans Fandrana, Fandrana quand je suis arrivé dans Fandrana, j'ai fait ah mais ça vient de là cette musique. Eh oui. Parce que la musique est très très connue, mais je savais pas qu'elle venait de là. Et j'avais vu la critique de Red sur le remastered juste avant de le lancer. Je me suis dit bah, j'ai pas de quoi acheter le remastered, autant faire le jeu de base. Et j'avais très peur parce que j'avais déjà essayé de le faire il y a un an avant et j'avais pas du tout accroché. Je trouvais le jeu trop grand, qui me perdait un peu trop. Le fait qu'il n'y ait pas de moyen de se TP aussi entre les maps, je trouvais que c'était un peu relou. Et du coup, comme la carte était super grande, c'était un peu, il y avait beaucoup trop d'aller-retour de merde en fait. Et ça me faisait vraiment très peur. Et la première fois, ça m'a pas plu. La deuxième fois, je me suis accroché. Et en fait, le jeu, vraiment, j'ai passé tout debout le jeu sans jamais vraiment ne plus avoir envie d'y jouer. Là où paradoxalement, le 2 et peut-être le 3, je sais pas, mais en tout cas, le 2 me l'a vraiment beaucoup plus fait. Cette envie de. Enfin, cette non-envie plutôt de relancer le jeu le lendemain quand t'arrêtes. Là, ouais, ça m'a vraiment. J'ai vraiment moins accroché aux deux. Mais j'en parlerai un petit peu après. Donc, bon, Metroid Prime, le pitch est très simple. Vous allez dans une station spatiale où on a découvert des pirates de l'espace. Malheureusement, vous allez rencontrer. Je sais plus quel boss. La reine parasite, voilà. Vous allez faire votre petit bout de chemin dans la station. Vous allez rencontrer la reine parasite qui est au centre, qui a pris le contrôle complet de la station. Vous la butez allègrement avec les nouvelles mécaniques de Samus. Vous êtes en belle armure et tout. Sauf que malheureusement, ça ne se passera pas comme prévu puisque en explosant, celle-ci active le système d'autodestruction le cœur nucléaire de la station s'active, activant devient incontrôlable, activant le système d'autodestruction. Et du coup, bah, comme dans tout Metroid à peu près, hein, globalement, vous devez vous barrer le plus vite possible parce que sinon, voilà. Sauf que dans un ascenseur, vous allez vous prendre un souffle d'explosion lié à Ridley qui fait de la merde dans la station, puisque malheureusement celui-ci n'est pas mort. Et vous perdez tout votre équipement. Dans une très longue séquence d'ascenseur qui vous dit vous perdez la Morph Ball, ne fonctionne plus, le rayon grappin ne fonctionne plus, le double saut ne fonctionne plus. Donc après vous avez bien le somme et ensuite vous sortez de la station, vous rentrez dans votre vaisseau, vous voyez Ridley se diriger vers la planète juste à côté qui est Talon 4 et donc bah vous vous dites vous allez lui péter la gueule parce que bah il est pas cool et puis vous allez juste vous venger globalement et puis juste pour éviter qu'il fasse de la merde autre part en fait. Et c'est ainsi que du coup Metroid Prime commence. Vous atterrissez sur Talon 4 et bonne chance puisque bah vous savez pas où aller et vous en avez des endroits où aller. C'est méchant Ridley aussi. Oui, Ridley il a tué les parents de Samus oui, peut pas. Alors que... pas dans le jeu, pas dans Metroid Prime. Oui non, pas dans Prime, mais bien avant. mais voilà. Mais du coup voilà, donc vous arrivez sur une planète qui s'appelle Talon 4 et qui a habité le peuple Chozo, le peuple qui a élevé Samus. Mais vous allez découvrir aussi que sur cette planète, il y a énormément de pirates de l'espace, notamment une frégate qui étudie un mystérieux matériau un peu dangereux qui s'appelle le phason. Phason qui est, je sais pas trop comment le décrire. C'est un espèce de imaginez ça comme un slime, un blob, Ouais, c'est un blob plutôt qui prendrait contrôle de certains trucs. Et il se trouve que eh bien, ce qui tire le nom du jeu, Metroid Prime, eh bien, vous allez voir qu'en fait, les pirates de l'espace, ils se sont dit « Hey, on a les Metroid. Hey, on a le Phazon. Viens, on fusionne les deux. Oh. » Et eh bien, c'est ce qui donnera le Metroid Prime, qui sera le boss de fin du jeu. Et je n'en dis pas plus, je vous laisse jouer au jeu. Et bah c'est un jeu qui est très bon, hein, c'est bon, hein, tout le monde lui a suffisamment sucé la bite. Le jeu est très très bien, l'ambiance très bien, est folle, pas besoin de sucer quoi que ce soit, hein. L'exploration est vraiment turbo cool, même si certains passages sont quand même pas très sympas. J'ai trouvé aussi que la navigation dans les menus était parfois un peu chaotique, avec le choix des armes, le choix des rayons, le choix des viseurs, parce que vous avez différents viseurs, vous avez le viseur scanner, le viseur radio et le viseur sonore. Ça devient un peu chaotique quand on commence à avoir plein de trucs, mais voilà. Et puis voilà, c'est un jeu que j'ai vraiment bien aimé. J'ai fait en 7-8 heures. Oui, généralement, c'est pas très long les Metroid. C'est pas très très long les Metroid. Hein, mais ce qui est plus long, c'est la deuxième partie du jeu. Mais je sais que... ce qui est le plus long, c'est. Vas-y, Jem. Je sais que Salamouche l'avait fait du coup, et je sais qu'il avait vraiment pas aimé parce qu'apparemment, il était beaucoup plus perdu sur les opus 2D. Alors, je sais pas si t'as eu ça aussi. Moi, étonnamment, c'est plutôt l'inverse. J'ai plus été perdu dans Metroid Prime que dans Metroid Fusion, c'est différent. Mais c'est ce qu'il dit, c'est que justement, il était plus perdu dans Metroid Prime et du coup, il aimait pas jouer. Ah, moi, c'était très dur de se repérer dans le jeu, quoi. Moi, je trouve pas. Par contre, un truc où peut-être qui a pas aidé, c'est la carte. La carte est vraiment à chier. Mon Dieu. La navigation sur la carte. En fait, on le voit là, c'est un espèce d'hologramme un peu. Et en fait, vous pouvez le tourner à 360 degrés. Enfin, vous pouvez le tourner dans les 8 axes. Et c'est à chier. En fait, le gros problème, c'est que si tu tombes sur une grosse zone en plein milieu de ta carte. Tu peux pas zoomer sur les plus petites zones, donc t'es obligé de mettre surtout la carte au-dessus. Surtout que, par exemple, dans les mines de Phazon, qui est une zone qui en plus se joue sur la hauteur et le fait de descendre plus profondément dans les mines de Phazon, il y a des ascenseurs, il y en a un vert, un jaune, un rouge. Le rouge, il t'emmène parfois en bas, parfois il remonte. Le jaune, des fois, il t'envoie plus bas que le rouge. Un bordel. La mine de Phazon, en plus, passage très compliqué, hein, la première fois que passage tu super dur. C'est vraiment pas un jeu qui est simple, en plus, Metroid Prime. Alors à la Wiimote, c'est plus simple qu'à la manette, notamment ce boss là il est super dur à la manette parce qu'il faut vraiment tourner et tout. Il suffit d'être à l'unieux et puis d'envoyer les missiles. Ouais, mais c'est un boss que je trouve vraiment pas intéressant, hein. Je trouve vraiment ce boss pas très très bien. Je sais pas pourquoi ils l'ont fait, ce boss, honnêtement. Ouais, il est pas ouf. Moi, c'est un jeu que j'ai trouvé vraiment très très bien. J'ai vraiment apprécié. Les thèmes du jeu, globalement, c'est juste empêcher les pirates de l'espace de foutre la merde, globalement, comme à peu près tous les Metroid, en fait. Même si en vrai il y a toute une histoire avec ce qui s'est passé avec les Chozo quand ils ont découvert le Phazon ici et pourquoi les Chozo sont morts, ce que le Phazon peut déclencher, mais en fait le truc c'est que si Metroid Prime 1 existe, c'est avant tout, même si ok on a tué le Metroid Prime, le Metroid Prime a laissé un reste, et ce reste, c'est malheureusement que vous êtes infecté à la fin par l'armure de Phazon. Sauf que l'armure de Phazon, vous doutez bien que si elle vous aide dans le jeu, malheureusement, vous comprendrez que se faire injecter un truc très radioactif dans le sang c'est pas une bonne idée. C'est un thème qui revient souvent, ça, dans les Metroid. C'est un thème qui revient souvent, le fait que Samus, elle est du sang de Metroid, puis après, elle est le parasite X. Oui, puis mais ça reviendra dans Metroid Prime 3. Bah, ça crée un être. En fait, à la fin de Metroid Prime 1, vous avez une armure de Phazon, et malheureusement, bah, vous savez que c'est pas bien. Et c'est ainsi que commence Metroid Prime 2, que je vais pas m'attarder plus longtemps parce que c'est un jeu que j'ai pas trop fait, que j'ai pas trop aimé. Donc, bon, voilà. Mais en gros, bah, il se trouve que votre ancienne armure de Phazon, vous la quittez et elle a pris vie. Et c'est ainsi que se crée le personnage le personnage de Smash Bros, Dark Samus. Qui n'est pas SAX. Qui n'est pas SAX. J'ai toujours cru que c'était les deux mêmes persos, mais pas du tout. Pas du tout. Mais du coup, ça crée donc Dark Samus qui décide de foutre la merde sur une planète qui s'appelle Aether. Et en fait, le jeu s'appelle Metroid Prime 2 Echoes. Pourquoi Echoes ? Parce que 2-1, bah, vous êtes séparés en deux avec Samus et Samus Sombre. Samus Sombre qui est une méchante. Hein. C'est pas genre. C'est votre doppelganger en gros. Mais aussi Aether est séparé en deux. Aether lumineuse et Aether sombre. Et ça devient le bordel parce que en gros vous avez des portails aux quatre coins de Aether pour aller dans Aether sombre. Et en fait dans Aether sombre vous prenez constamment des dégâts, sauf dans des petites zones de lumière. Et vous débloquez un rayon qui s'appelle le rayon sombre et un rayon qui s'appelle le rayon lumineux. Et comme vous en doutez, le rayon lumineux fait plus de dégâts sur les mobs sombres. Et non, il n'y a pas de mob lumineux, mais du coup, le rayon sombre, voilà. Sauf que pourquoi j'ai pas aimé ce jeu, c'est que le jeu est très labyrinthique parce que au lieu d'avoir une carte, on en a deux qui, en plus, Aether sombre influe sur Aether et Aether influe sur Aether sombre. Donc ça crée des puzzles de pas possible où tu fais 4000 allers-retours et c'est insupportable. C'est super long, c'est super chiant. En fait, faire une action, t'en prends 3. Littéralement, surtout qu'en plus, les rayons dont je vous ai parlé précédemment, ils ont des munitions limitées. Et pour avoir d'autres munitions. Oh là là. En fait, pour avoir des munitions du rayon de lumière. Pour avoir des munitions du rayon de lumière, il faut tuer des mobs avec le rayon sombre. Et pour avoir des munitions du rayon sombre, il faut tuer des mobs avec le rayon de lumière. Sauf que, du coup. En général, tu utilises 5 munitions de rayons d'ombre pour avoir 5 munitions de rayons de lumière. Du coup, c'est pas worth it du tout. Ah oui, d'accord. Du coup, c'est à chier. Voilà. Et c'est. Voilà. En bref, c'est le bordel. De 1, le scénario est un bordel. De 2, le gameplay est un bordel. De 3, la map est un bordel. J'ai abandonné. Vraiment, J'ai abandonné juste parce que j'ai trouvé, en fait je prenais pas de plaisir. C'est pas un mauvais jeu, le jeu a quelques améliorations par rapport à Metroid Prime 1, notamment des améliorations graphiques. Le jeu est plus joli, le jeu est plus fluide, par exemple quand on sort de la Morph Ball, il y a moins de temps de lag entre le fait de sortir de la Morph Ball et le fait de faire une action. Il y a de la pub, let's go. Ah, il y a de la pub, ah merde, ouais. Ah, fait chier. Alors malheureusement ça j'y peux rien. Ouais, ça, je crois que c'est Twitch qui impose. Je peux même pas les désactiver, genre. Ouais, je peux mettre suspendre vos annonces, mais si je peux le faire une fois, bah, je le fais, mais voilà. Moi je vais revenir un peu sur Metroid Prime. Moi je l'ai fait en 2020, vraiment très très bon jeu. Je recycle les mêmes défauts. La carte qui est un enfer. Vraiment. Et du coup aussi quelques allers-retours un peu chiants, notamment pour les. Et notamment la quête des artefacts. La quête des artefacts. Pas abordé, mais la quête des artefacts. Enfin, ça dépend en fait. Il y a des artefacts que tu trouves plutôt facilement. J'avais beaucoup exploré, mais j'avoue que certains artefacts, notamment un des artefacts qui s'appelle artefact de Phazon. J'ai été checker une soluce à la fin parce que. C'est peut-être un de ceux que j'avais trouvé. Mais il m'en manquait pas beaucoup. Il m'en manquait 4, je crois. Mais non, vraiment. Mais après, la navigation dans certains lieux, lorsque tu vas dans les mines de Phazon, Même, non, non, même. Zone. Même Fendrana. Fendrana. Le début de Fendrana, c'est dur. Fendrana. Mais surtout, Fendrana, t'as pas de liaison vis-à-vis de. J'allais dire vis-à-vis de Talon, mais si je crois que t'en as une. Si, si, t'en as dans toutes. T'as une liaison. Alors, t'as c'est, une liaison c'est, à c'est, tout, le, mais c'est les fait, mines le de Phazon où il n'y a pas de liaison avec. Fendrana ou quelque chose comme ouais, ça. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Il n'y a pas de liaison. En fait, la seule liaison avec Mine de Phazon, c'est Magmor qui est en dessous et Talon qui est au-dessus. Mais il y a la narration environnementale qui est absolument incroyable. Enfin, le fait de lire toutes les informations via oui, quelque chose de gros, Samus. On peut scanner tout, chaque élément. Et il y a notamment sur certains ordinateurs des pirates, on peut lire ce qui leur est arrivé, etc. Aussi sur le peuple Chozo, il y a des stèles, etc. Et d'ailleurs, le 100% est horrible parce que le 100%, il faut tout scanner. Excusez-moi, je baillais. Le 100%, il faut tout scanner. Et si vous n'avez pas scanné le début, bah vous pouvez pas faire le jeu à 100% littéralement. Mais voilà. Non, c'est vraiment très bon jeu Metroid Prime. Et je suis très content qu'il soit ressorti en remaster. Parce que ça a permis maintenant, à mon avis à plein de j'aurais bien aimé que j'aurais bien aimé que qu'ils ajoutent des points de TP dans le remaster parce qu'apparemment ce n'est pas le cas et aussi qu'ils remasterent les deux autres accessoirement. Ouais, mais bon, c'est Nintendo, tu vois, on peut pas trop leur en demander non plus hein. Mais non, Metroid Prime, découvrez-le, c'est vraiment un très bon jeu, même encore aujourd'hui hein, moi je trouve que puis même il est assez unique hein, encore hein. Un jeu en FPS, plutôt aventure plateforme que tir et tout. Et du coup, Red, il disait quoi du remaster? Il en vaut le coup ou pas du coup? Ouais, bah il en vaut le coup. Il est en fait, c'est surtout. C'est un remaster graphique avant tout. Oui, c'est un remaster esthétique. Mais le jeu est magnifique. Il y a rien à en redire. Le jeu est super beau. Le jeu tourne super bien. Ils ont remis les contrôles au gyroscope, ce qui est apparemment plutôt sympa. Mais voilà, globalement, il n'y a aucun changement de gameplay, il n'y a aucun changement de quoi que ce soit. Hein. C'est le même jeu. Ouais. Peut-être quelques changements musicaux, je ne sais plus. Je crois qu'il y a quelques remixes. Ah, peut-être. Attendez, ne bougez pas. Il y a eu une petite alerte. Je ne sais pas ce que c'est. C'est Horus qui nous a suivis, incroyable. Salut Horus, j'espère que ça va. Il n'y a pas les alertes malheureusement sur cette scène, désolé. Horus, on discute là des jeux qu'on a fait. Donc là, on était en train de parler de Metroid Prime, voilà. Et on a fini d'ailleurs, je pense. Moi, je n'ai plus rien à dire. On a fini, oui, oui. Si vous voulez, on peut enchaîner sur... sur d'autres jeux. Moi, mon gros morceau, c'était Tales of Arise, mais j'ai... Moi, je vais enchaîner sur deux gros morceaux, du coup, qui sont Chia et Grim Fandango. Parce que Flauton, on en a beaucoup parlé. Moi, c'était mon gros morceau, Metroid Prime, parce que c'était vraiment mon jeu qui a rythmé... En fait, c'est le jeu qui a rythmé mon attente de Tears of the Kingdom, en fait. J'ai commencé le 1 en mars, je l'ai fini mi-avril. Non, je l'ai commencé début avril, je l'ai fini mi-avril. Merci Lesgord pour le Prime, ça fait très plaisir. Et du coup, j'avais commencé le 2 à peu près. Bah, moi, je vais vous parler du jeu que j'attendais le plus cette année, qui est sorti en mars, qui est Chia. Tu as parlé de Chia ? Ah oui, Chia. Alors, je l'attendais depuis son annonce, en fait, Chia. Depuis que j'avais vu le premier trailer, j'avais fait ce jeu, il va être incroyable. Et ce jeu est vraiment très bien. Alors, pour recontextualiser, Chia, ça se déroule en Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas la Nouvelle-Calédonie, c'est un hommage, un ersatz de la Nouvelle-Calédonie. On vous incarne une petite fille qui s'appelle Chia. Et Chia possède un pouvoir assez surnaturel, puisqu'elle est capable de prendre possession des objets et des animaux. C'est Mario Odyssey ou quoi? Ouais, mais les développeurs n'ont pas joué à Mario Odyssey. Chia, du coup, elle est... Donc c'est une petite fille qui voit en fait son père se faire enlever par le méchant local qui s'appelle Maivora, qui est en gros un méchant pas très très sympathique, qui mange des enfants, au sens propre. Ouais, le jeu, ah oui, mine de rien. Et donc, du coup, vous devez d'abord avoir une audience avec Maevora. Donc, en gros, c'est une quête. Et on vous dit d'aller chercher tel ou tel. Et c'est ce qu'ils appellent une coutume. Donc en gros, il faut que tu fasses la coutume, il faut que tu récupères tes objets pour pouvoir, pour pouvoir aller voir Maevora. Et là, tu te retrouves lâché sur une île. Et let's go pour l'aventure. Donc tu peux aller au-dessus des montagnes, tu peux gravir les montagnes, tu peux les descendre en glissant, tu peux aller sous l'eau, tu peux prendre un bateau pour naviguer au large, tu peux te transformer en différents animaux, puisqu'il y a les transformations, tu peux te transformer en crabe, en oiseau, en chien, en vache, en poule, en plein de trucs. La particularité du jeu, donc, c'est que c'est un jeu qui est assez ouvert, même si la trame scénaristique est plutôt dirigiste, mais quand même assez ouvert. Tout l'aspect du jeu va recourir à travers l'exploration et la découverte des différents pouvoirs que tu peux avoir, de l'histoire aussi qui va t'être racontée, parce que, comme je l'ai dit, Chia, c'est une histoire assez sombre. Je n'évoquerai pas pourquoi, mais c'est une histoire assez sombre. Donc, tout va consister à juste parcourir un petit peu les lieux, découvrir des choses. Et ça donne un jeu, petit open world qui a plein de petites bonnes idées. Première bonne idée, c'est que Chia n'est pas montrée sur la carte. C'est-à-dire que vous avez un point approximatif sur lequel Chia est montrée, mais elle ne vous est pas montrée sur la carte. Vous devez vous repérer en fonction des différents lieux où vous êtes. Comme dans Hollow Knight quand t'as pas le... Un peu comme dans Hollow Knight lorsque tu n'as pas le badge dédié. Donc là, par exemple, elle va s'approcher d'un panneau. Ouais, il y avait lorsque, marqué Last Known Location. Voilà, et là, du coup, hop, Chia s'affiche sur le panneau. Si tu t'éloignes du panneau, le jeu, entre guillemets, te perd. Donc ça, c'est première idée de mécanique. Deuxième idée de mécanique, du coup, c'est la transformation en différents objets. Alors, cette transformation, elle ne sert pas à grand-chose en soi. Elle sert surtout pour traverser plus vite la carte, ce que les développeurs ont totalement assumé. Donc c'est pour ça que les oiseaux sont des animaux extrêmement qui vont te permettre de voler très haut et de pouvoir te déplacer très loin. Donc c'est très très pratique pour pouvoir justement avoir ça. D'ailleurs, tu peux stocker des oiseaux dans ton sac. Tu peux stocker des oiseaux dans ton sac, tu peux stocker plein d'objets dans ton sac. Oui. Tu peux prendre aussi possession de certains objets. Là, on voit une lanterne, par exemple, à l'image. Parce qu'il faut savoir que tu vas rencontrer des ennemis qui sont pas très gentils, qui sont des bouts de tissu, qui sont en gros les sbires de Maevora. Et pour les défaire, il faut utiliser du feu. Donc tu peux te transformer en lanterne pour pouvoir ensuite balancer cette lanterne et les enflammer. Tu peux utiliser un bidon d'essence que tu vas balancer aussi dans le feu pour pouvoir justement les tuer. Tu peux utiliser un sort qui va te permettre de faire pousser les plantes explosives pour pouvoir les éliminer aussi. Et tout ça te permet de récupérer des cosmétiques. C'est assez cosmétique finalement, Chia. Donc là, on voit le bateau du coup avec lequel vous pouvez naviguer entre deux îles. Il y a une île principale qui est en gros celle-là, on va dire la belle île, et il y a l'île qu'on voit un petit peu plus loin là au large, qui est en gros l'île un peu cassée, un peu détruite par le tyran, par Maevora. Il y a une espèce d'opposition entre les deux îles qui est également voulue par les développeurs. Mais du coup, si tu voulais définir le style de jeu que c'est quoi du coup? C'est du walking simulator? C'est du... Non, c'est un jeu d'aventure en monde ouvert, un peu de plateforme de temps en temps. Ça reste léger, mais un peu de plateforme de temps en temps. Donc le jeu, il te... d'utiliser par exemple la paravoile comme Link avait dans Breath of the Wild. Il te permet, comme je l'ai dit, tu peux glisser sur les pentes pour pouvoir aller plus vite. Tu peux te transformer en différents animaux, tu peux te transformer en différents objets pour descendre les pentes plus vite. Et tu peux surtout combiner les différents éléments, c'est-à-dire que tu vas prendre un rocher pour descendre la pente, tu vas voir un oiseau, tu vas utiliser ton saut d'âme pour aller vers l'oiseau, puis ensuite tu vas retomber et ça se trouve tu vas tomber dans l'eau, donc tu vas vouloir un poisson pour aller plus vite. Donc du coup tu vas pouvoir utiliser ton saut d'âme pour prendre le poisson et ensuite te balader dans l'eau. Donc le jeu, il est assez permissif à ce niveau-là et ça donne vraiment des très très bonnes sensations manette en main, même si pour le coup là on voit juste Chia marcher. Donc ça c'est vraiment le point principal, on va dire, du gameplay, c'est ce saut d'âme. Il y a aussi le ukulélé qui est utilisé, ukulélé qui est très fonctionnel. Tu peux vraiment faire des musiques avec dans le jeu. Ça c'est vraiment cool. C'est comme dans Last of Us 2 du coup. C'est comme dans The Last of Us Part 2, sauf que c'est un procédé qui avait été inventé avant The Last of Us Part 2. Ah bah oui. Et donc le développement a déjà quelques années. Le développement a commencé à peu près en 2017-2018. Et comme par hasard, juste après Breath of the Wild. Mais du coup, il y a l'ukulélé qui te permet d'avoir plein de petits pouvoirs, par exemple changer le jour en nuit, par exemple faire apparaître des plantes pour sauter plus haut, etc. etc. Donc le ukulélé est très sympa, et puis tu peux y jouer tranquillement. Et il y a plein de petits interludes comme ça qu'on voit par exemple ici. Donc là, en gros, le chef, enfin la personne qui vient de te parler, dit qu'il faut que tu aies 3 perles. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la coutume. La coutume donc, va consister à ramasser des objets pour pouvoir être, pour pouvoir interroger, pour pouvoir discuter avec la personne en question. Et à la fin de cette coutume, lorsque tu auras récupéré tous les objets, eh bien, tu vas avoir une scène où va avoir de la danse traditionnelle avec des instruments traditionnels, avec qui est très traditionnel dans son âme, qui respecte énormément son sujet, parce que les développeurs viennent tout simplement de la Nouvelle-Calédonie et voulaient rendre hommage, et ça se sent au niveau des lieux, au niveau des animaux, au niveau de la musique. Les musiques sont incroyables, très très bon travail de John Robert Smats, qui avait notamment travaillé sur Wondersong, qui a fait une BO absolument sublime. Et puis, il y a quelques petites actions de temps en temps. Tu vas par exemple faire à manger à un moment donné. Il y a des trucs sympas aussi, c'est que les objets que tu vas récupérer, c'est des objets que tu récupères naturellement. Genre, c'est pas comme dans Metroid Prime où tu récupères des bottes au milieu d'une caverne, je ne sais quoi. Là, par exemple, ton ukulélé, c'est ton oncle qui va te le donner. La paravoile, c'est, je crois, qui te la donne, si je dis pas. Non, c'est ton père qui te l'appareil photo, tu le récupères d'une amie, donc plein de petits trucs comme ça qui sont assez bien foutus. Et ils ont même recyclé les trophées que tu gagnes lorsque tu gagnes des mini-jeux. Tu peux les recycler dans une espèce de machine de grappin. Machine à pince. Voilà, de machine à pince. Okay. Et ça te permet d'obtenir des tenues, parce que pareil, tu peux personnaliser le chien un peu comme tu en as envie. T'as aussi un système de quête au trésor, petite quête annexe dans lequel tu dois, un peu comme dans Red Dead Redemption, te balader sur la carte et découvrir où sont les trésors, ce qui permet d'utiliser des compétences de certains animaux. Par exemple, le chien, il peut creuser, le crabe, il peut couper des fils extrêmement, des chaînes avec ses pinces. Le chat, il peut voir de nuit, par exemple, donc c'est très pratique lorsque tu es dans une caverne d'avoir le chat, parce qu'il te permet justement de voir de nuit. Il y a plein de petits trucs qui sont faits dans le jeu, et ça fait, à la fin, ça donne un jeu qui est super bien construit, avec énormément d'âme, énormément d'identité, et à chaque fois que le jeu, il a une petite... un petit point faible ou quelque chose comme ça, il arrive à le compenser par autre chose, et il arrive toujours à surprendre entre guillemets le joueur par plein de petites mécaniques hyper malignes. Le jeu est pas totalement parfait, il y a quelques défauts. La deuxième partie du jeu, qui fait un peu Beyond Good and Evil dans l'âme, est pas super bien réussie, je trouve. Elle est quand même cool, mais disons que c'est une partie un petit peu plus sordide, au sens propre du terme d'ailleurs. Il faut que tu détruises des usines, donc il faut que tu prennes des photos, puis ensuite il faut que tu sabotes les usines et tout, donc c'est pas toujours très intéressant. Et puis le scénario il est quand même vachement mature, comme ça on se dit ça a l'air d'être un jeu avec une petite fille et tout qui se balade sur une île, ça a l'air d'être cosy. Ouais, mais non, le scénario, il parle quand même de thèmes assez forts. Je ne sais pas si vous allez le faire, mais je ne vais pas vous spoiler. Mais le scénario parle quand même de thèmes assez forts. C'est un jeu, il y a beaucoup de gens qui l'ont comparé à une espèce de Disney. Et quand tu sais que le réal du jeu principal vient justement d'une école d'animation et qu'il est passionné aussi par l'univers de Disney de Ghibli, Tu sens que ça déborde, quoi. Tu sens que... Mais même au niveau du style graphique, hein, ça se voit un peu. C'est clair que ça se voit. Tu feras attention, on est chez coup. Je sais pas si c'est que chez moi, mais tu coupes un peu. Non, il coupe aussi un peu chez moi. Malheureusement, bon. je ne peux pas faire plus. Je sais pas, c'est peut-être débrancher, rebrancher ton micro, je sais pas. Mais, ouais, je pense pas. Peut-être plutôt un Pixar. Oui, ça ressemble plus à un Pixar. Ça ressemble un peu à. Moi, ça me fait évidemment penser un peu au style graphique de Coco et d'Encanto. Ouais, genre, c'est... Alors, Encanto, c'est Disney, c'est pas Pixar, mais... Je sais pas, du coup... Mais par contre, Coco, effectivement, c'est Pixar. C'est vrai que ça fait penser un peu à... Ça fait penser un peu à Coco, ça me fait un peu penser à... Comment ça... C'est Kubo et l'armure magique, je crois, le nom. Je sais pas si vous voyez ce... Je crois que c'est fait en stop motion. Ça me fait penser un peu penser à ce film-là. Et là, la végétation, elle bouge et tout. Enfin, C'est vraiment très, très beau. Honnêtement, tu as plutôt bien vendu le jeu. Moi, il me fait de l'œil, honnêtement. Après, voilà. Donc là, voilà la paravale. Donc, à noter que là, vous avez une très faible barre d'endurance, mais au fur et à mesure du temps que vous trouvez des fruits... dans le jeu, des fruits d'endurance, bah vous allez pouvoir augmenter votre barre d'endurance. Vous avez des petits... j'ai parlé du ukulélé, mais pour obtenir les pouvoirs du ukulélé, il faut empiler un peu à la manière traditionnelle des pierres pour pouvoir justement atteindre une certaine hauteur et donc déverrouiller le truc. Il y a l'histoire des totems qu'on doit forger aussi pour pouvoir obtenir des points supplémentaires d'âme, parce que le pouvoir d'âme est assez limité, forcément. Le pouvoir d'âme, on le voit là, du coup. On peut prendre le caillou, et là, hop, on peut se propulser. Et avec. Il y a un truc qu'on peut faire, c'est on peut utiliser le saut d'âme pour propulser le caillou, sortir du caillou avec le saut d'âme, reprendre le caillou au saut d'âme, et ainsi avancer beaucoup plus vite. Et donc là, on tombe sur un camp de méchants, justement. Ça permet d'illustrer un petit peu les combats du jeu. Donc là, parce qu'il y a des combats quand même, d'accord. Oui, il y a quelques combats, après c'est pas non plus... Et là, l'objectif, ça va surtout être de brûler les adversaires, voilà, c'est ce qui est dit sur l'écran. Et en brûlant les adversaires, on obtient des compétences. Enfin, pas des compétences, mais on obtient des petits pouvoirs, enfin des petites améliorations, enfin pas des... du cosmétique pour Chia, donc des robes, des colliers, parfois c'est des costumes un peu originaux comme des costumes de crabe ou de vache ou ce genre de choses là. Et petit détail qui fera plaisir, je pense, à Alix, il faut savoir que tous les cosmétiques, du coup, alors il y a des cosmétiques qu'on trouve dans la nature, il y a des cosmétiques qu'on peut acheter contre des perles qu'on trouve de bénitier et on a des objets du coup qui sont que l'on peut acheter contre certains objets, donc des perles et aussi des tressés qu'on trouve tout au long du jeu. Il faut savoir qu'il y a un endroit sur la deuxième île, pas sur celle-ci, l'autre, où on peut obtenir tout ce qui est drapeau LGBT et autres. Et il faut savoir que c'est gratuit. C'est le seul item qui est gratuit des choses que tu peux trouver dans les ports. Attends, ça aurait été bizarre que ça soit payant. Non, mais c'est des petits détails. Il y a plein de petits trucs comme ça qui sont... C'était les fruits pour augmenter l'endurance. Ça, c'est les fruits pour augmenter l'endurance, absolument. Ouais. Voilà. Sachant qu'on peut désactiver la boussole si on veut... Par une simple pression de bouton, on peut enlever la boussole, donc vraiment faire comme dans Zelda. Et ça fait pas trop. C'est le côté. Est-ce que t'as l'impression que le côté un peu culture, néo-calédonienne, je sais pas comment. Néo-calédonienne, c'est vraiment apposé sur des idées de gameplay préexistantes, ou alors ils arrivent vraiment à faire un peu genre. Badaboum, à faire un peu équilibrer les deux, c'est-à-dire de vraiment que la culture alimente le gameplay et vice-versa. La culture gameplay, comme je l'ai dit, par exemple, pour obtenir des améliorations, faut que tu totems, faut que tu fasses des empilements de pierres, ce genre de choses-là. Pour avancer dans le jeu, il faut que tu participes à certaines réunions. Là, on va visiter Welly Welly avec une des meilleures musiques du jeu, qu'on entendra peut-être. Donc, c'est pas uniquement cosmétique. Et après, ils ont quand même fait en sorte de se détacher un petit peu de tout ça, dans le sens où on a la possibilité de faire... de... Ah, c'est réglé, parfait. Désolé, merci. Je suis un peu perturbé, oui. Vis-à-vis de merci. Oui, mon micro a coupé, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu des problèmes. Donc du coup, ils sont très largement inspirés, mais ils ont quand même essayé d'inventer des choses en se basant sur des mythes qui existent et ce genre de choses-là. D'accord. Mais le jeu arrive très très bien à s'en sortir vis-à-vis de... Parce que c'est vrai que des fois, c'est un peu des trucs... C'est vrai qu'il y a une esthétique globale, mais c'est vrai que ça ressemble à des idées de gameplay que tu as déjà vu, et c'est vrai que c'est un peu dommage que une culture ça soit juste un skin finalement, alors ouais. Qu'on peut vraiment tirer des idées de gameplay. Je trouve vraiment qu'ils ont, après c'est pas non plus le jeu du siècle, ils réussissent à chaque fois comment justifier certains trucs, certaines mécaniques et tout, et c'est vraiment ils sont vraiment allés assez loin dans le propos, dans le détail. Tu sens que c'est un jeu qui a été bien fait. Hein. Il a pris, je crois, 5 ans ou 6 ans de développement. Il est fait par 9 personnes. C'est vraiment un jeu très ambitieux. C'est impressionnant de fou, ouais. Putain. Et dites-vous qu'à l'époque, lorsqu'il est sorti, les gens disaient « Ah ouais, mais le jeu, il est pas en 4K, 60 FPS !» Oh là là. Et il a bien marché ce jeu. Et il a passé le million de ventes. Ah oui. Ah ouais. Putain, ouais, c'est stylé. Cool. Hein. Ah oui, c'est cool. On parlait de stylé de fou. Parlait de Tales of Arise qui a fait les 2 millions, mais c'est vrai que 1 million pour un jeu indé. Ouais, bah, 1 million, que... bah, il a fait plus que Metroid Prime Remaster, dites vous. Surtout que le premier jeu d'Awasep c'était pas très très bien vendu. Mais non, franchement le jeu Ah c'est très bien, un jeu français néo-calédonien de surcroît qui arrive à faire le million de ventes, c'est pas mal. Reste à voir un peu dans le même style, en vrai ça n'a rien à voir, mais Dordogne là où je sais qu'il y a pas ouais, mal c'est de ça, gens, Dordogne c'est, effectivement. C'est pas du tout mon style de jeu, mais c'est pareil, voir un peu si ça marche. C'est vrai que si ça va prendre, ouais. Le jeu vidéo français, c'est vrai qu'il y a un truc avec Asobo notamment, avec mince, comment ils s'appellent les gens qui ont fait Street of Rage 4, Lizard Cube, je sais pas, non, Dotemu. Par contre, aucun battage médiatique de la aucun battage médiatique de la part de la presse JV. Je sais pas, je crois que j'ai vu quand même quelques tests de Chia passer. Chia, hein. Oh non, il a pas mal tourné, tourné sur les ondes et tout. C'est ça. Après, c'est pas mal qu'on change un peu qu'on parle pas tout le temps des mêmes jeux. Moi, j'avoue que les triple A, j'ai jamais été très triple A, mais c'est vrai que les triple A qui sortent. Moi non plus, je sais même pas c'est quoi le dernier qui est sorti. Je pense que Tears of the Kingdom c'est le premier triple A que je fais depuis oula. Moi c'est l'un des rares triple A que je fais, hein, Tears of the Kingdom. Après c'est vrai que dans ma tête un triple A c'est multiplateforme. Après c'est vrai que c'est débile, mais pour moi c'est vrai que Tears of the Kingdom, le fait qu'il soit que sur Switch, ça le sort un peu de la catégorie triple A. Mais ouais, voilà, mais en vrai, ça l'est quand même. Hein. J'espère vous l'avoir bien vendu. Très bien vendu. Niveau durée de vie, pour savoir si. À peu près entre 10 et 15 heures. Après, on peut creuser, aller plus loin. Okay, non, pas très long. Du coup, je pourrais y jouer. Je pense que ça doit être un jeu pas mal. C'est le genre de jeu que je cherche, un peu relaxant, qui prenne pas trop la tête, qu'on peut. Oui. Mais après, faudra du coup que. Alors là, du coup, possession d'un oiseau, et du coup, hop, on peut s'envoler. Puis... Auquel tu peux jouer en faisant quelque chose à côté. C'est toujours des jeux. Et puis la fin. Je parle uniquement de la fin. Excellente. Mais vraiment, ils ont toujours réussi à justifier les trucs. C'est juste, c'est brillant. Vraiment. C'est plein de petits détails comme ça qui montrent que le jeu a été super et tout. Est-ce que ça va pas être ton jeu de l'année? Ah bah il y a Tears of the Kingdom du coup. Pour l'instant mon jeu de l'année parce que c'est vraiment un jeu qui réussit. Moi je pense que ça va être son jeu de l'année honnêtement. Vraiment tout ce qu'il entreprend. On verra si Tears of the Kingdom passe derrière. Faudra voir. Comment tu l'as décrit, je pense que ça passera pas au-dessus. Tears of the Kingdom peut me surprendre. Pour l'instant, Tears of the Kingdom, j'ai surtout beaucoup de mal avec les contrôles. Je trouve que le jeu, il est... pour les premières heures que j'ai fait. Oh là là, qu'est-ce qu'il est lourd ! Qu'est-ce qu'il est lourd au niveau des contrôles ! Après, si tu lis pas les explications des pouvoirs aussi... Oui, c'est vrai. Mais quand même, mais je trouve vraiment qu'il est... Il est pas très accueillant, Tears of the Kingdom. Bah après, c'est comme Breath of the Wild, hein. Oui, c'est les, littéralement les mêmes contrôles. Hein. Mais c'est encore pire, je trouve. du coup... JJ, tu veux enchaîner ou tu veux que... Bah moi, j'ai un... Entre guillemets, un petit jeu, mais c'est pas... En fait, c'est plus j'ai envie d'en parler parce que j'ai besoin d'extérioriser quelque chose. Je vais désactiver mon spectre audio parce qu'il est dégueulasse. Le vôtre marche bien, mais le mien marche pas, je sais pas pourquoi. J'ai besoin d'extérioriser quelque chose, donc je vais commencer à l'écrire et vous allez comprendre très très vite. J'aimerais vous parler de Ruby Arofel. Ma copine vient de pouffer à côté parce que... J'ai joué 3 heures au jeu, mais j'ai regardé ma copine jouer au jeu entièrement à côté. Et du coup, j'ai fait le début, mais j'ai fait suffisamment pour appréhender le gameplay, etc. Qu'est-ce que c'est nul ! Mais je crois que tous les jeux Ruby sont un peu ratés. Hein. Tous les jeux Ruby sont nuls ! Je n'en peux plus ! C'est insupportable ! Si j'étais mesquin, je dirais un peu comme la série, mais... Tu te détromperais parce que le volume 9 est une masterclass, le volume 7 est très très bien, le volume 8 est fou. Mais même le volume 4, 5, 6, tout le monde me dirait qu'ils sont... Ok, tiers, voire même Tremet, Lesgord serait de cet avis, mais moi je ne suis pas de cet avis et je le prouverai dans une vidéo qui fera 4h30, mais on se reverra en 2027. Mais donc Ruby Arofel, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de l'équipe WayForward. Qui est donc l'équipe derrière Shantae. Ah oui, c'est le premier défaut du jeu. En fait, c'est globalement Shantae avec des persos de Ruby. Oh, c'est joli. Alors, les visuels sont très jolis, c'est même plutôt propre. Personnage qui marche de valeur, là. C'est encore une fois beaucoup plus joli que la série. Oui, c'est pour le coup très joli, et moi j'aime beaucoup le style graphique. Putain, une série avec ces designs-là, ce serait magnifique. Ouf. C'est pour le coup, ça c'est un truc que ma copine et moi on s'est dit, c'est vrai que genre la série avec ce design là, ce serait un truc de fou. Il marche vraiment comme Naruto, c'est très drôle. Mais du coup, l'un des problèmes, c'est que c'est un jeu qui se veut un peu, je dirais pas Metroidvania, mais un peu genre, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de moments où tu vas revenir dans certains levels, mais en fait, le jeu est globalement très chiant et très vide. En gros, qu'est-ce qui se passe de ce que j'ai compris du scénar ? C'est que, en gros, vous incarnez la team Ruby. Je vais pas faire une description de la série parce que j'ai un peu la flemme et que c'est très long. Mais c'est Hollow Knight, je reconnais. Mais voilà, donc en gros, vous incarnez la team Ruby. Dans une mission dans la contrée de Atlas, enfin dans la ville de Atlas et dans ses alentours, qui se passe donc à peu près entre le volume 6 et le volume 7, entre le volume 7 et le volume 8, puisqu'on y découvre, en fait, il y a quelques éléments de l'histoire qui impactent la vraie histoire du jeu, mais voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir, chaque personnage a son attaque spéciale, qui est donc sur le bouton Y. Donc dans la série, ça s'appelle une semblance, c'est un pouvoir, quoi. Donc Ruby permet de dasher, donc de passer à travers les ennemis et d'aller un peu plus loin. Wise forme un glyph qui fait une plateforme. Le personnage de Blake fait un clone d'elle-même qui réplique vos mouvements mais ne bouge pas, donc en fait elle tape en même temps que vous, ce qui est absolument broken. Je pense que c'est pas très compliqué à s'en douter. Et le personnage de Yang, je crois qu'on la voit pas dans le gameplay, elle tape un grand coup sur le sol et permet de casser les projectiles, les murs cassables, pardon. Donc déjà c'est une grande nouveauté puisque le dernier jeu Ruby n'avait pas les semblants, c'est-à-dire que c'est comme faire un jeu My Hero Academia sans mettre les haltères. Voilà. Donc le jeu d'avant qui était Ruby Grim Eclipse est franchement j'aurais pu en parler dans un précédent épisode de Produit en Croix, mais c'est vraiment un bon gros jeu de merde. C'est à dire que le jeu a littéralement rien pour lui, c'est un espèce de hack and slash un peu pété. Franchement il est vraiment pas très bien, c'est générique, exactement, merci. Les scores, tu dis que je tacle la vue, mais sache que je me retiens très fort de faire des blagues sur la série. Hein. Vraiment, là, je suis très très tolérant. Mais voilà, donc bon, là vous avez vu un petit peu le pouvoir de Blake. Et donc vos personnages peuvent tirer aussi avec la barre qui est en haut à gauche, qui est une barre d'aura. Ce qui est aussi également très particulier, c'est que vous avez une barre de points de vie. C'est pas juste cette barre verte, c'est une barre comme dans la série, c'est une barre d'aura. Du coup, c'est pas simplement une barre de mana entre guillemets comme on pourrait avoir dans un Zelda ou dans un Hollow Knight avec les âmes. C'est aussi une barre de bouclier, puisque si vous prenez un coup dans cette barre d'aura, et ben ça la fera descendre de façon plus ou moins grande, hein, en fonction de votre niveau de défense, etc. Et vous pouvez récupérer des points de compétences dans certains coffres pour augmenter vos compétences. C'est en gros, vous pouvez augmenter votre attaque, votre attaque à distance, votre défense et un autre que j'ai oublié. Mais vous ne pouvez pas maxer tous les persos, déjà. Ce qui est un énorme défaut. Hein. Ma copine a fait le jeu à 100% et on peut pas. C'est littéralement impossible. Mais du coup c'est un problème, hein, vous pouvez comprendre, je pense. Ça t'oblige à faire des choix en fonction de ton style de jeu. Il en manque 3. Il manque 3 points de compétence pour pouvoir maxer. Pour le coup, ça me choque pas. C'est un défaut. Est-ce qu'on peut vraiment continuer ça comme un défaut? C'est pas un défaut, mais bon. Dans Breath of the Wild, je crois que c'est exactement la même chose. Hein. Je crois qu'il doit te manquer genre 3 améliorations pour soit avoir en même temps la vie et l'endurance au max. Ouais, mais tu vois, c'est déjà. Et du coup, c'est frustrant parce que même en faisant tous les sanctuaires, t'as pas les deux au max et il te manque un chouïa pour que les deux soient max. Ouais, non, mais tu vois, c'est coup, frustrant. Oui, mais pour le coup, c'est un truc qui est assez classique. En fait, ça te pousse à te dire, va falloir que tu fasses un choix en fonction de ton gameplay, quoi. Ok, j'accepte. Je rejoins Jen. Mais par contre, je trouve que c'est un peu un problème, c'est que en fait, globalement, à partir du moment où tu maxes ta défense, t'es intuable. T'es littéralement intuable. Et ça se fait en 4 points de compétence. Et comme en fait on joue avec différents persos, souvent en fait ton gameplay va globalement se résumer à tu max un perso en attaque et en défense. Et tu utilises les autres persos pour les quelques puzzles qui existent, parce que franchement les énigmes sont rarement très compliquées, farfelues ou quoi que ce soit. Là on voit aussi la map du coup. Où vous allez devoir vous déplacer, c'est très dirigiste. C'est un pareil. Metroidvania, du coup. C'est un espèce de Metroidvania, mais en fait pas vraiment, parce que tu retournes pas vraiment dans les levels. Genre tu retournes une fois grand max, deux fois grand max. Ça manque un peu d'identité quand même. Pour le coup, je me répète, je fais l'avocat du diable, désolé, mais le jeu est vraiment magnifique. Hein. Ah oui, non, le jeu est très très beau, hein, pour le coup. Pour le coup, vraiment, le jeu est très très beau. Le jeu est doublé. Entièrement. Ah, à nouveau une. Parfois, il y a des cinématiques qui reprennent l'animation du jeu. Je sais pas si je peux vous le montrer. Il y a ça par exemple. C'est peut-être beau, mais moi je trouve ça assez générique quand même comme décor. Hein. Donc des fois, ça reprend un peu l'animation du jeu et de la série. Et d'ailleurs, il y a des personnages qui sont étrangement super originaux. Genre elle, c'est un perso qui littéralement a un putain de lance-flamme. Et je trouve que c'est aussi des trucs qui sont super intéressants. Ah, mais parce je que connais, c'est Barrett de Final Fantasy VII. Non, mais ça, c'est des trucs super intéressants parce que c'est des semblances qu'on ne voit pas dans Ruby. Et c'est des persos purement originaux qu'on ne reverra plus. C'est un peu triste parce que franchement, il y a du potentiel. Et dans le jeu, elles sont pas super développées. Ça va, c'est un peu bête ça parce qu'elles ont un chara-design de fou. Ça vend du rêve si le pouvoir original c'est un bras canon quand même. non mais c'est pas son pouvoir, hein. c'est juste son arme. Mais par exemple il y a une meuf elle peut juste rentrer dans le sol. C'est un peu, ça rappelle un perso de Jojo un peu. le perso qui pouvait nager dans le sol. Mais non, mais pour le coup, il y a vraiment, en fait, il y a plein de petites idées un peu cool. Mais l'histoire est à chier, l'écriture. Alors, j'aimerais quand même vous dire que la traduction française de ce jeu est une. Allez. C'est une merde. C'est-à-dire que. C'était quoi qu'on avait vu? C'était. Alors, l'un des personnages qui est censé être un personnage noble, donc qui est Winter, qui est la sœur de Weiss. Donc, ça, en gros, c'est une grosse famille de bourges d'extrême droite. Okay. Vous voyez l'idée. Elle dit tchuss. Tchuss. Elle dit tchuss. Mais moi aussi, dit tchuss. Non, mais. C'est pas dans le personnage, genre. Non, mais tchuss. C'est très off, en fait. Non, t'as l'impression tchuss, qu'ils ont. Tchuss, c'est de l'allemand. Hein. Oui. Non, mais ok. Mais alors, en fait, ça t'as veut l'impression dire salut, que c'est. Mais c'est de l'allemand, quoi. Oui, mais c'est. En fait, c'est très. C'est très. En fait, tous les personnages sont très off. Genre, t'as l'impression que c'est. C'est eux, mais pas vraiment. Genre Ruby, elle est censée. Alex, c'est ça. Oui, voilà, c'est Yang qui dit ça suffit les salam alek. On a explosé de rire. Je crois qu'on a on l'a en screen en plus le ça suffit les salam alek. Mais vraiment. Moi, j'y ai pas joué, ça me fait rire donc. J'ai explosé de rire. Je vois qu'il est dans mes, il doit être dans mes MP avec Les Gord. Mais honnêtement, les défauts que tu donnes au jeu, j'ai pas l'impression que ça soit un jeu si terrible mais que ça. Après bon, en fait, c'est pas un jeu. C'est pas peut-être un jeu mauvais. Peut-être la vie extérieure, mais je sais pas. C'est pas un jeu mauvais. C'est juste que c'est un jeu OSEF. C'est un jeu très OSEF. Question du coup, est-ce que le fait que tu connaisses l'univers de Ruby influence forcément? En vrai, oui, parce que le jeu fait quand même quelques refs. Enfin, le jeu fait évidemment beaucoup de refs, mais en fait, le problème, c'est que si tu compares par rapport, en fait, le jeu est pas mauvais si tu le prends en tant que jeu. C'est un produit pour les fans, dit. Mais je trouve que au contraire, si t'es un fan, le jeu va être moins bien parce que en fait les persos, t'as l'impression qu'ils ont vu le volume 1 et c'est tout. Parce que c'est littéralement les, en fait c'est les le caractère des personnages. Je vais dire un truc. C'est celui du volume 1 et 2. Je vais dire un truc. Je pense que les développeurs de WayForward, c'est peut-être le seul truc qu'ils ont vu et ils sont volume 1. Mais je pense que c'est ça. Parce que, en fait, faut se dire que ce jeu est sorti en même temps, à 3 mois d'écart à tout péter que le volume 8. Après, peut-être qu'ils ont pas eu le courage d'aller plus loin que le volume 1. Hein. Je peux pas vraiment les blâmer sur ce coup-là. Hein. Vraiment, ils ont fait, non mais attendez, on va pas faire un jeu là-dessus quand même. Oui, mais bon. Jem, tu es aigri. Non mais il y a un truc qui est assez intéressant Way Forward parce que c'est eux qui ont fait Shantae, mais je trouve que ça ressemble pas vraiment à Shantae du coup pour le coup. Non mais en fait t'as l'impression qu'ils ont pris la structure d'un jeu Shantae, enfin pas la structure mais genre les mouvements. Je vois ce que tu veux Shantae. Dire. Ouais. Juste tu sais les mouvements de base. Oui oui quand les personnages bougent là en statique. Et tout, mais il y a rien et en fait c'est vraiment. Ils ont enlevé toute la saveur d'un Shantae. Ils ont mis des graphismes, ils ont mis un texturing Ruby. Une histoire qui fait vite fait la liaison entre le volume 7 et le 8. Mais c'est tout. En fait, je pense que c'est tout simplement un jeu de commande. En fait, c'est juste. Oui, c'est clairement, un jeu de clairement. Ils n'avaient pas, pas envie de le faire, mais c'est juste bon bah. C'est WayForward, c'est quand même un petit studio. C'est un jeu qui a quand même été repoussé beaucoup de fois. Le jeu a été repoussé, je crois, 3 fois parce qu'il devait sortir à la fin du volume. Il devait sortir. En fait, il devait sortir au volume mi-volume 7. À la sortie du volume 7, à la moitié, on a eu une annonce. Il allait sortir à la fin du volume 7, donc genre vers. En fait, il devait au lieu de sortir en février avril, en février mars, il devait sortir genre en mai juin, allez peut-être juillet. Et s'il fait la liaison entre le 7 et le 8, ça aurait été dommage qu'il sorte avant le 7, non? Non, mais en fait, à la base, c'est pour ça que je pense que le scénario a été rebriqué de façon étrange, parce qu'il y a très peu. En fait, c'est surtout les éléments qui font la liaison avec le 8, ils sont à la fin. Ah oui, d'accord. Donc, tu te dis qu'ils ont modifié. Et du coup, en fait, genre, je pense qu'ils ont, ils ont fait ça. Puis après, ils ont eu un autre problème. Le jeu doit sortir. Le jeu devait sortir en même temps que le volume 8, mais le volume 8 a été repoussé. Du coup, le jeu a été repoussé. Et du coup, enfin, c'est genre, c'est en gros, le jeu a été repoussé, je crois, de un an et demi, un truc comme ça. Mais sachant que Way Forward, c'est eux qui ont sorti Advance Wars. Ceux qui sont les auteurs du puis, remake. Puis aussi, les quêtes sont vraiment à chier. Genre là, dites-vous que c'est vraiment. Est-ce que tu peux aller me chercher un jus de fruits? Oui, genre Nier Automata, ouais, je m'en souviens. Ouais. Non, mais ça, c'est une quête principale. Quête principale, c'est va me chercher un jus de fruits. T'imagines le nouveau Zelda avec cette quête principale? Il y a un perso, littéralement, la quête principale, c'est tu peux aller me chercher des lunettes, ok. Et t'y vas. Ah, après, et c'est un level. Après, ça me choque pas, tu vois. C'est, ah, c'est joli ça, Atlas Main Street. Typiquement, oui, c'est joli. Dans Tales of Forest, t'as aussi ça, mais après, c'est lié au corps de l'histoire. C'est-à-dire que ça va être, par exemple, en fait, typiquement, t'as sauvé une région, mais tu te rends compte que la région, elle est toujours dans la merde. Et du coup, bah, t'as une des personnes, la quête principale, ça va être. Excuse, mais genre, t'as sauvé la région, mais on manque quand même de provisions, t'as tout le monde qui crève la dalle. Est-ce que tu peux aller nous chercher, à bouffer, quoi? Oui, mais pour Tales of, j'imagine que c'est pas 100% des quêtes. Non, c'est pas 100% des quêtes. C'est vraiment ouais, juste. Voilà. Là, c'est vraiment, franchement, hormis les 4 quêtes de fin, ce n'est quasiment que oui, ça. Oui, d'accord, ok, je vois le souci. Mais parce que, en fait, tu peux avoir des quêtes qui ont des objectifs. Quête de merde. En fait, tu peux avoir des objectifs qui paraissent dérisoires, mais en fait, qui sont pas dérisoires pour les persos, tu vois. C'est-à-dire que, ouais, effectivement, c'est aller chercher à bouffer, tu peux te dire que c'est dérisoire, mais dans le corps de l'histoire, bah, si t'as une famine dans le pays, c'est logique qu'on te demande à manger, tu vois. Donc, oui, mais là ça l'est pas, c'est vraiment. Si les lunettes n'ont pas un intérêt scénaristique de fou, effectivement, aller chercher des lunettes, ça a un peu aucun intérêt. J'ai hâte de découvrir la fin de Tears of the Kingdom, et à la fin, en fait, c'est livrer un jus de fruits au boss final. C'est... Non, mais voilà, par contre, l'un des points, et c'est l'un des points les plus tristes parce que ça va être l'OST. L'OST qui, Ruby, pour le coup, c'est un sans faute. Sauf que, bah, en fait, une loupe de 15 secondes. Allez, non, je suis méchante. De 1 minute. Mais en fait, le problème, c'est que c'est une musique avec des paroles. Sauf que du coup, c'est tout le temps les mêmes paroles. Et c'est tout le temps deux refrains qui changent. Mais en fait, c'est des niveaux courts. Aïe. Sauf que. C'est la même musique dans tous les levels. Ah, ils ont fait sans exception. Ils ont fait une colonel réelle, dis donc. Après, c'est très grave. Après, faut savoir, c'est soit on va chercher des lunettes, soit on va chercher une loupe. Mais là, je comprends plus. C'est un enfer, alors que les musiques de la série sont folles. C'est triste. Parce que c'est vraiment. Et c'est là des points où, en plus, ça allait dans Grim Eclipse, c'est que les musiques étaient cool. Là vraiment les musiques sont pas folles, ok. Le jeu est puis vous voyez les combats sont vraiment pas ouf. En plus le pattern ça des très sont vraiment c'est vraiment dans les ennemis ah, sont vraiment ouais, pas fous quoi genre après faut aimer c'est pas ouf, trop hein. Mon style de jeu faut aimer le style de jeu ou les qui après sont... faut se dire que les ennemis là globalement je pense que là vous avez vu la moitié des ennemis hein. Il y en a vraiment peut-être 8 dans tout le jeu. Mais ça me fait penser à un jeu, mais je sais plus lequel. Le jeu, et puis le jeu est pas très long, le jeu fait peut-être... Bah, peut-être Megaman, peut-être Metal Slug, ouais, peut-être... Ça fait penser à ça. Ça fait penser à l'idée de switcher entre 4 persos, ça me fait penser à TMNT. TMNT. Donc clairement... Mais bon, voilà. Mais c'est un jeu qui est très... En fait, c'est un jeu qui est trop mid pour... pour la com qu'il a eu pour le... Parce que le jeu a eu une grosse com hein. Parce que faut se dire que du coup ce jeu comme Grim Eclipse avant chaque épisode de Ruby volume 7 t'avais une pub. Ah oui d'accord ok je vois. Là elles ont été alors quand avec le rachat par Crunchyroll là vous les verrez plus. Mais moi qui ai vécu la sortie en direct du volume 7, avant chaque épisode, à partir de la moitié, t'avais une pub de... C'était 45 secondes. Mais en fait, t'avais une advertise, tu vois. C'est vrai que ça fait très jeu à licence des années 90. où on a pris un mais, jeu. Mais en, mais en 2022, quoi. C'est ça, on a pris un jeu, on a mis un peu une. Une, 2021, pardon. Le jeu. Ah, ça manque un peu, ça manque un peu d'âme, hein, tout ça. Ça manque un peu de vie. Après, c'est vrai que bah il y a pas mal de jeux. Si c'est bien fait, après tu vois, il y a énormément de jeux à licence, notamment Konami qui était fait comme ça et qui était très bon, tu vois. Donc sans avoir le jeu en main, bon, ça a pas l'air passionnant, mais sans avoir le jeu en main, je veux pas blâmer le jeu parce que ça peut être un très bon jeu avec rien à voir avec la série, tu vois. Mm. Mais, ouais, mais en fait, mais le truc, oui, le c'est que vraiment, genre, très, le jeu a pas l'air passionnant, effectivement. Le jeu est vraiment pas passionnant du tout. Mec, il galère là. Non, mais c'est, là, en fait il peut pas. Là, il peut juste pas. Là, ouais. Il peut juste pas. Il peut ah, pas encore. Il essaye de cheeser, je vois. Il essaye de cheeser, mais il peut pas. Il faut l'amélioration du pouvoir de. Parce qu'en fait, plus tard, on peut améliorer les pouvoirs des persos. De quoi ? Ouais, oui, il s'améliore tout seul, oui. En plus, il s'améliore tout seul au fil de l'aventure, mais c'est vraiment genre, tiens, à partir de maintenant, tu peux dasher plus loin. Ok. Dernier jeu, du coup. C'est le dialogue. Hein. À moins que tu aies envie d'évoquer un. Le dernier jeu, c'est moi qui en parle ou Moi, j'ai Grim Fandango encore. D'accord, parce que moi aussi j'avais un jeu, mais. Parce que j'ai parlé que de Tales of Arise, du coup. Eh bien, Jem, vas-y. Et moi, je terminerai par Ok, d'accord. Bah, okay. Moi, du coup, je voulais parler de Layton 5, donc Masque des Miracles. Oui. Voilà, je savais pas si t'allais parler de ça ou de E at In Time. E at In Time, j'aurais d'autres occasions dans des épisodes plus dédiés d'en parler. Là c'est vrai que Layton, c'est un peu plus compliqué. Alors, je sais pas si vous avez fait les Layton, vous, je crois que. Moi, je comptais les faire, mais peut-être pas. J'ai fait les trois premiers. Le premier, j'ai trouvé très bien. Le deuxième, j'ai trouvé bof. Le troisième était cool. Voilà. D'accord. Moi, j'ai trouvé le premier assez oubliable. Le deuxième, plutôt cool. Et le troisième, plutôt sympa. Et le 4 était vraiment une grosse déception. C'était vraiment le scénar. Alors, je sais que ça fait pas forcément consensus sur le serveur. Quand j'ai donné mon avis, les gens n'étaient pas forcément d'accord. Moi, j'ai vraiment trouvé que le 4 était vraiment nul. Apparemment, le 4 était pas très bien. L'histoire était encore plus ridicule que d'habitude. Alors que déjà, dans Layton, les histoires vraiment sont faites de brick et broc. Mais là, dans le 4, c'était encore pire. Hein, voilà. C'est-à-dire que c'est vraiment. Alors, je vais pas spoiler le 4. Mais en gros, on te dit, oh là là, il y a un fantôme, et bon, je vais pas vous spoiler c'est quoi le fantôme, mais à la fin, ça aurait pu être un sandwich au jambon que ça aurait été pareil. Vraiment, l'explication du fantôme, elle n'a aucun sens. Mais bref. Mais on dirait que tu me parles d'une intrigue de Scooby-Doo. Ah, mais c'est honnêtement vraiment une intrigue de Scooby-Doo a plus de sens. Hein, vraiment. non, vraiment, ça n'a aucun sens. Mais du coup, c'est pas grave. Je verrai, je le ferai dans cette année. Donc voilà. Après, pour le coup, les énigmes sont sympas. Donc là, l'épisode 5, c'est marrant parce qu'il y a des parallèles à faire avec Ace Attorney. Parce que pareil, du coup, l'épisode 5 arrive un peu. Pas mal de temps après l'épisode 4. Il est sur une nouvelle console, il est sur 3DS. Il est en 3D pour la première fois. Bon, là, ça se voit pas trop parce que c'est la cinématique d'intro du coup qui est en animation. Mais du coup, en fait, les personnages sont modélisés en 3D. Du coup, c'est vrai qu'on perd un peu, l'ambiance. C'est des jolis dessins et tout que moi j'aime pas mal. Et pareil pour Ace Attorney, j'étais un peu triste. C'est vrai que c'est quand même plus joli avec des jolis dessins. Mais en contrepartie, t'as pas mal de phases animées, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, les énigmes restent plutôt pas mal. On m'avait dit que les énigmes étaient particulièrement mauvaises dans les opus 3D. Moi, je trouve que honnêtement, ça va. C'est dans la moyenne. Elles sont peut-être plus faciles que la moyenne des anciennes, mais en même temps, vu que mon fun ne se caractérise pas par passer 30 minutes sur une énigme, moi, ça m'a pas dérangé outre mesure. Mais je comprends que si on est féru de difficulté des énigmes, ça nous intrigue un peu. Le scénar, alors au début, il est assez convenu, c'est-à-dire que bon, il y a une personne masquée, d'où le masque des miracles. Il y a une personne masquée, et du coup, en fait, tu vas très vite deviner qui est derrière le masque. Hein. Bon, il n'y a pas vraiment de surprise là-dessus. Mais tout ce qui entoure ça est plutôt cool en vrai. Il y a quelques retournements qui sont plutôt sympas. Qu'on voit pas forcément venir, donc c'est plutôt cool. L'ambiance globale du jeu est plutôt sympa, les musiques sont toujours très très cool. Mmh. Mais globalement, bon, vous voyez que du coup, c'est en 3D. Donc moi, je trouve que c'est un peu moins de charme. Notamment, Layton, je trouve beaucoup moins expressif que dans les jeux précédents. Déjà que, bon, c'est deux points. Bah, pour... Déjà que c'est un peu un Playmobil, quoi. C'est bon. Deux points pour faire les yeux. Déjà, ils sont pas très expressifs. Mais là, je trouve que c'est... voilà, je trouve que c'est encore pire. Mais en contrepartie, voilà, moi, je trouve que vraiment, l'intrigue est beaucoup plus cool. Il y a des idées de gameplay. Alors que je me disais, dans Layton, c'était pas possible d'avoir des idées de gameplay. Mais non, pour le coup, il y a toute une phase... qui est très différente des jeux précédents, qui est un peu en... Alors, sans spoiler, c'est en vue de dessus, etc., avec deux, okay. Trois trucs. C'est assez élaboré. Bon, après, il y a des phases, notamment, il y a une course-poursuite qui va arriver juste après, là, dans la scène d'intro, qui est pas passionnante, honnêtement. C'est un espèce de mini-jeu un peu nul pour essayer d'utiliser la 3D de la console. Le jeu est quasiment... Il y a beaucoup de phases qui sont doublées en VF, ce qui est toujours très cool. Tous les doubleurs sont pas forcément de talent, notamment le doubleur du méchant. Moi, je trouve qu'il n'a aucune, qu'il a vraiment aucune émotion quand il double le méchant. Du coup, ça le rend un peu ridicule. Donc c'est un peu apathique. C'est ça, ouais. C'est vraiment. Mais c'est Professeur Layton versus Phoenix Wright. Pardon. Comme je vous ai dit, il va y avoir une course poursuite en chevaux. Bon, elle a un peu aucun sens d'être là, et elle est pas très passionnante, mais voilà. Mais au moins, ils ont tenté des trucs en termes de gameplay qui sont pas trop mal. Mais ouais, moi je trouve que globalement le scénar était plutôt cool. Mais ouais, non, c'est honnêtement, voilà, c'est un jeu. C'est un jeu sympathique, j'ai pas énormément de choses à dire dessus. Le scénar est plutôt mieux que le 4. En même temps, c'était dur d'aller en dessous, très sincèrement. L'ambiance est plutôt cool, les musiques sont plutôt cool, les énigmes sont plutôt cool. C'est clairement pas dans mon top des jeux de l'année, mais dans les jeux de Layton, je pense que c'est mon deuxième préféré après le 3. Il est vraiment très sympa. Donc voilà, okay. je recommande. Ok. Okay. Bah écoute, on... dans le mystère, puisque moi je vais finir du coup ce produit en croix avec Grim Fandango. Je suis très content de vous le présenter, ce jeu, parce que franchement il était très cool. Grim Fandango, qu'est-ce que ça raconte de beau? Ça raconte l'histoire de Manika, qui fait partie du département des morts et qui est chargé de vendre des billets à des clients fortunés ou à des clients qui le méritent. Belle vie. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas commis de vice, ils ont été sympas avec la veuve et l'orphelin. Et son objectif, du coup, c'est de trouver des bons clients pour se racheter auprès de la société. Et lui aussi, du coup, voyager à bord de ce qu'on appelle le 9 Express, qui est en gros le train qui permet de rejoindre le paradis en 4 minutes au lieu de 4 ans. Parce que ceux qui sont pas très très sympathiques ou ceux qui ont pas de chance... Et ben eux doivent rejoindre le paradis entre guillemets en 4 ans avec un petit bâton et une boussole qui s'appelle l'Excelsior, c'est ça, qui fait très peur. Manny du coup découvre une, enfin Manny réussit à voler un client à Domino, qui est son comparse, qui lui a tous les meilleurs clients de la Terre. Une dame qui s'appelle Teres Coromar di Meche. Et notre cher Manny se dit que ça y est, c'est l'affaire du siècle, il a réussi à trouver une dame pour aller justement au paradis. Et le problème, c'est qu'en réalité, lorsqu'il consulte son dossier, eh bien cette dame n'a pas le droit au 9 Express. Alors du coup, Meche part pour une traversée de 4 ans. C'est encore pire que ça, c'est qu'elle n'a le droit qu'à l'exception. Elle a même pas le droit au truc. Oui, elle a même pas le droit aux autres. Elle a le droit à rien. Et du coup, beaucoup de gens, enfin, Manny s'interroge en disant « Ouais, c'est bizarre ce qui se passe. » C'est quand même bizarre, que, non ? J'étais sûr quand même que Mercedes, elle avait le droit quand même au 9 Express. Et il va découvrir une machination. Alors, il y a toute une histoire de révolution, comme ils le disent très bien dans le jeu, par rapport justement au fait que Domino et son patron, dont j'oubliais le nom d'ailleurs, je sais plus... le patron en gros de Domino, qui formante un plan visant à vendre en gros les tickets du 9 Express à ceux qui peuvent se le permettre financièrement. Et donc on va suivre notre cher ami Manny en chasse de Meche pendant 4 longues années. La première année, c'est lui le patron. Donc ça, c'est Eva du coup, la secrétaire, qui, spoiler, mais c'est au tout début du jeu, en réalité fait partie de la résistance. Voilà, ça c'est le... Alors lui, c'est pas le patron, lui il se fait tuer à la fin. Oui, non, mais oui, lui, c'est le sous-chef. C'est le sous-fifre du boss. Hein. C'est le sous-fifre du big boss. Mais en vrai, c'est Domino, le patron, à vrai dire, je trouve. Oui, en vrai, oui. Il va partir pour une traversée de 4 ans, dans laquelle il va d'abord posséder un bar lors de la deuxième année. Un bar, le Blue Casquette. Le caveau bleu. Le caveau bleu qui est une reprise du Blue Parrot de Casablanca. D'ailleurs, j'ai regardé Casablanca et c'est vrai qu'il y a énormément de références dans Grim Fandango. Je crois que d'ailleurs, c'est l'année la plus connue de Grim Fandango. Oui, quand parce on pense que à Grim Fandango, on pense parce, à l'année 2. Parce que c'est l'année où, effectivement, il y a le plus de choses à faire, où les énigmes sont les plus chiantes aussi. Faudra qu'on en parle. Oui, c'est ce que dit l'arcade. La troisième année se passe sur un bateau slash au fond de l'océan. Si je mets une tortilla sur un tourne-disque, qu'elle s'y joue la BO du film Coco. Merci Noé. Et, exactement ça. Et la quatrième année, elle se déroule un peu en parallèle sur les trois premières, en fait, parce qu'on revient dans certains lieux qu'on a déjà explorés, plus un qui est justement la porte du temple. Ils appellent ça Temple Gate en anglais, mais j'ai plus le nom français. Et donc voilà, Grim Fandango, c'est un point and click. Mais particularité de l'époque, parce qu'il est sorti en 98, c'est un point and click qui ne se joue pas à la souris. C'est un jeu qui se jouait uniquement au clavier. Un des tout premiers point and click à se jouer au clavier. Ce qui explique pourquoi la jouabilité est parfois bien pourrie. Ah yes. et que tu dois justement passer sur le mode, on va dire, écran. Point and click, vrai point and click. Pour pouvoir aller dans certaines zones, parce que les zones de comment dire, les hitbox de certaines zones sont tellement réduites que si tu te places pas parfaitement dans l'angle pour rentrer dans le truc, et bah tu rentres pas. Donc il y a des fois où c'est un petit peu galère. Donc plein d'énigmes un peu saugrenues. Là il y a l'énigme du casino par exemple, où il faut faire perdre le policier. Référence à Casablanca, parce qu'il y a un policier dans Casablanca qui joue à la roulette et qui gagne là aussi hein, il joue à la roulette et il ne fait que gagner, c'est là. Ça, et l'objectif là c'est de faire en sorte qu'il perde, et il y a un truc, c'est comment on fait pour savoir qui perd. Bah faut justement trafiquer la table de jeu, mais faut bien la trafiquer parce que lui, bah il faut savoir que déjà il faut savoir que là au bureau tu as la manette pour la table de jeu en soi. Et deuxième chose, il faut savoir quel numéro il faut justement viser, parce que les personnages sont un peu aléatoires dans l'ordre de passage, et tu cherches pendant 25 ans, donc tu cherches une solution à un moment donné parce que t'en as marre. Hein. Et en fait, c'est le numéro 2. Pourquoi c'est le numéro 2, c'est pas expliqué, il y a rien de... Hein, voilà. Il y a des énigmes, il y a toute l'énigme en mode, il faut récupérer... un pass pour récupérer un truc, pour récupérer un pass, puis un ticket, puis je sais plus quoi dans ce passage là. Il y a un passage où donc on doit récupérer le pass VIP. Sauf que si on n'a pas parlé assez suffisamment au capitaine du port, le jeu ne comprend pas ce que tu dois faire. Et donc, ah oui, le pass pour, il te, le te pass donne pas pour le pass. Aller, il te donne le pass. Le pass chez le tatoueur. Alors du coup, chez le tatoueur, tu vas récupérer le médaillon qui va te permettre d'utiliser par la suite le détecteur de métal sur le cadavre pour que le jardinier le trouve. Sauf que le jardinier, il fouille tellement les cadavres que tu te dis, mais attends, comment ça se fait qu'il ne le trouve pas? Donc là, c'est là qu'il te vient l'idée du détecteur de métal. Et puis, il y a l'histoire aussi de la course de chat. Parce qu'il y a des courses de chat dans le jeu, même si elles ne sont pas montrées. Avec le ticket que tu dois récupérer, les chiffres que tu dois... Parce que tu dois fabriquer un faux ticket à donner pour récupérer la mise. Oui. Enfin, c'est un bordel sans nom, cette énigme. Mais il y a pire, hein. L'énigme du bateau que tu dois couper en deux. Ça, franchement, c'est... Ah bah oui, bah la fameuse... Oh là là là. Bah c'est celle que Arcade disait dans la partie oui, 3. Bah, effectivement, disait, ça n'a aucun sens. Stop, mettez pause et essayez de deviner. Et en fait, après la pause, genre, c'est... Tout ce que vous avez dit est faux. Mais surtout que ça n'a aucun sens, parce que déjà, ça n'existe pas un bateau qui a deux ancres, ça n'a aucun intérêt. Ensuite, pourquoi les deux ancres, elles correspondraient l'une envers l'autre et elles s'accrocheraient les deux? Non, vraiment, c'est... C'est vraiment, il y a des trucs, voilà, très très... C'est cette scène. C'est vraiment l'année. Enfin, c'est pas peut-être pas la pire. Hein, c'est peut-être pas celle sur laquelle j'ai. Je me dis, ouais, putain, mais franchement. Parce que quand il réfléchit, ça n'a aucun sens. Ça veut dire que quand le bateau, il fait tomber ses deux ancres, ça veut dire que littéralement, les deux ancres s'en mêlent, il ne peut pas partir, du coup. C'est quoi l'intérêt d'avoir deux ancres, du coup. À part dans la situation où tu veux découper le bateau en deux, ça n'a aucun intérêt. T'as raconté l'anecdote du dev qui rejoue à son propre jeu avec une solution. Alors, du coup, ça se situe en Monkey Island 2, c'est pas dans Grim Fandango. C'est dans Monkey Island 2, mais effectivement dans Monkey Island 2, le jeu était trop complexe que le dev qui avait fait les énigmes a fait « Non mais les gars, je suis allé voir sur une solution sur internet parce que je sais plus ce qu'on avait fait. » Et donc voilà, là il sombre dans l'eau. Sinon le jeu, bon, au niveau de la forme, la réalisation elle est cool. Ils auraient pu aller plus loin dans le remastered, parce que moi j'ai joué à la version remastered. Donc on a des personnages qui sont... refait entre guillemets, mais pas les décors, donc ça donne un aspect un peu bizarre. Par contre, musicalement, ah là là là là, incroyable! C'est du jazz, hein! Ah là là là là, quel bonheur! Pete McConnell là qui nous a sorti une bande son, mais du tonnerre, hein. Vraiment, c'est. Ouais, c'est du jazz, mais c'est un peu mêlé aussi à la musique mexicaine et tout, parmi les inspirations, enfin, c'est super. Hein. Les dialogues sont vraiment bien écrits, il y a des trucs qui sont extrêmement drôles, vraiment. Alors je vais pas vous les raconter parce que sinon vous ne rigoleriez pas, mais en jeu ils sont hilarants, vraiment. Les personnages sont plutôt bien écrits. Il y a des trucs qui sont expliqués dans le making of parce que la version remastered post-making-of avec les commentaires des développeurs et que ça c'est bien, mais vraiment. Par exemple, attends, du coup tu peux jouer au jeu avec les commentaires des développeurs. Oui monsieur, absolument. Oh, ça doit être marrant, alors en fait insupportable. En fait tu sélectionnes, t'as un petit bouton qui te dit dans une salle quand tu rentres que tu peux écouter un commentaire de développeur et tu peux t'arrêter et écouter le commentaire. Alors, des fois c'est un commentaire très court, genre par exemple ils disent ouais ça je me souviens je l'ai fait sur Photoshop à l'époque en deux calques. Et les mecs ils sont super contents parce qu'ils utilisent Photoshop en 98. et parfois c'est des trucs super longs. Parfois c'est des trucs qui sont en rapport avec le jeu, parfois c'est des trucs en rapport avec la production du jeu, genre la productrice qui s'appelle Lel, 2LES2LE, qui raconte que ouais non mais écoutez la production du jeu ça a été un calvaire, à chaque fois que je disais qu'il fallait couper, bah, Tim Schafer il me disait ouais mais non mais là c'est important on peut pas couper et tout, et c'est vraiment, il y a plein d'anecdotes comme ça hyper intéressantes, et il y a des anecdotes aussi du contexte du jeu. Ils te disent par exemple ah ouais cette scène elle est tirée de tel ah tiens je me souviens on avait vu ce film. Schaffer s'est vu tous les films muets, tous les films noirs pardon, pour réaliser Grim Fandango et ça se ressent parce que c'est un film noir hein, Grim Fandango clairement. Et il te dit ouais tiens là elle croise les jambes comme dans une certaine scène et tout, ah ouais tiens là je me rappelle avait fait ce lieu parce que ça faisait référence à tel ou tel film et c'est super intéressant. Et il parle aussi parfois de la mythologie mexicaine, donc les Angelitos par exemple qui sont les deux enfants qu'on voit en cage pour ceux qui se souviennent du jeu, c'est expliqué dans le making of pourquoi ils s'appellent Angelitos. C'est parce qu'en fait ça fait référence à la fête des morts du coup, puisque le jeu se base beaucoup là-dessus, et la fête des morts elle est décomposée en plusieurs jours. Et le 1er novembre, je crois, ou le 31 octobre, je ne sais plus, c'est la fête des Angelitos, donc des jeunes enfants, des innocents, qui sont morts, du coup. Et c'est pour ça qu'il y a Angelitos dans le jeu. Mais ça, c'est pas forcément expliqué, c'est pas forcément expliqué in-game. Ça serait bizarre, parce que je suis pas sûr que le Mexique existe canoniquement dans le jeu, quoi. Je me pose la question, en fait. Faudrait aller voir dans le monde des vivants. Presque canoniquement, San Francisco existe. Presque. D'accord. Donc peut-être que le Mexique existe. Après, il y a le monde des vivants aussi, qui est un peu bizarre, en mode papier mâché, un peu étrange. Donc il y a de ça aussi. Mais voilà, le jeu est très cool, très très belle ambiance. Je pense que c'est un petit coup de cœur, ce Grim Fandango. J'ai vraiment apprécié, puis... Ouais, voilà, c'est un jeu, tu sens que les mecs ils avaient pas une arme sur la tempe d'un éditeur en disant faites ce jeu, et les mecs ils ont fait ok on a envie de faire un jeu donc allez on va faire un jeu sur des sur des passagers, enfin sur des agents de voyage qui font passer les morts entre guillemets au paradis, et sur un espèce de complot avec les morts qui peuvent se faire tuer en se faisant germiner. Quelle bonne idée ça, quelle bonne idée. Les morts qui meurent. Je trouve ça incroyable. Et puis la fin est super cool aussi. Vraiment, ça se finit un peu en règlement de compte, un peu à bout de souffle, qui est un film de Jean-Luc Godard pour ceux qui connaissent. Un des plus connus. Ouais, un des plus connus. Et donc, il y a encore une pub. Hein. C'est vraiment un jeu qui est. Je ne peux pas suspendre mes annonces. Extrêmement abouti. Dommage que le remaster n'aille pas plus loin au niveau de la remasterisation graphique. Sonore, je crois que les musiques sont remixées, si je dis pas de bêtises. Ils ont rajouté les commentaires des développeurs, bien sûr. Le doublage en français, en anglais, qu'importe la langue que vous choisissez. Par contre, en anglais, vous allez. Du coup, l'écriture de Tim Schafer est beaucoup de références à Tim Schafer lui-même, à son travail et autres. Donc forcément, si vous êtes un peu habitué du personnage, bah forcément vous allez vous y retrouver. Ce qu'on n'a pas forcément en français. Mais l'empêche, voilà, qu'il y a des personnages qui sont très très drôles. Le clown, mais personnage secondaire, Glottis, qui est le conducteur en fait, du conducteur slash joueur de piano, encore une ref à Casablanca, créateur de plein de trucs. Lui, son objectif, c'est juste d'avoir des bolides et de faire vos... Ah oui, cette énigme, elle est chiante aussi, l'énigme de la porte. Oui. Et ça, c'est Métier, du coup, qu'on retrouve à la fin. Et donc, la scène où elle croise les jambes, là, c'est une ref spécifique. Voilà, c'est dit dans le making-of. Je trouve ça incroyable. Donc voilà, Grim Fandango, c'est vraiment très cool. C'est un des derniers jeux de LucasArts. Si ce n'est le dernier, en tout cas de LucasArts tel qu'on les connaît avant le jeu Star Wars, puisque après ils feront un peu que Star Wars, et c'est vraiment un jeu. Plouf disait que c'était un jeu culte dans le sens où tout le monde le connaissait mais personne n'y avait joué, et je trouve que ça résume bien le jeu. C'est drôle qu'il ait sonné la mort de LucasArts, du coup. Ouais, malheureusement, c'est vrai que. C'est un peu prémonitoire pour Grim Fandango, mais franchement, jouez-y, il est très cool. Faites-le avec une Solus, par contre, hein, vous embêtez pas. Essayez quand même de chercher un peu de votre côté, mais si jamais vous avez des difficultés, cherchez avec une Solus, parce qu'il y a vraiment des trucs qui sont un peu tirés par les cheveux, quoi. Il y a des trucs, tu te dis, oh, attends, il y a un truc, à un moment donné, il faut utiliser la faux comme un détecteur de métal, mais d'où la faux devient un détecteur de métal, quoi. C'est débile. Voilà, il y avait des trucs comme ça. Désolé sur le live pour les pubs. Hein. C'est vraiment. Vraiment. C'est chiant. Je peux même pas les désactiver. Ça me casse les couilles. Vraiment. Je sais pas si Jeff Bezos il a besoin d'argent pour ses implants capillaires, mais. Tu nous entends. C'est terrible depuis. Est-ce que Jeff Bezos nous entend? Mais donc voilà. Tu nous entends. Voilà. Enlève les pubs. C'est ça. Enlève les pubs. Donc voilà, Grim Fandango, jeu très cool. Et puis bon, comme je vous l'ai dit, les musiques, elles sont incroyables. C'est une bande son vraiment très cool. Un peu répétitive, mais vraiment très cool. Puis les thèmes sont vraiment cool. Je pense que c'est un jeu qui est plutôt bien écrit. Je sais qu'Arcade n'avait pas fini son script dessus. Mais avec les éléments que j'ai vis-à-vis des commentaires de développeurs, je trouve que les développeurs ont plutôt réussi à bien raconter ce qu'ils voulaient faire. Après, écrire une histoire sur plusieurs années, c'est très compliqué pour s'attacher à des personnages. Mais c'est un peu comme Cloudpunk, finalement, c'est un peu des instants de vie. Voilà. On rencontre des personnages qu'on reverra pas l'année d'après. Donc c'est un parti pris, et je trouve que, mine de rien, ils ont plutôt bien réussi leur truc, quoi. Voilà. Après, c'est un point and click, faut tout tester, faut tout essayer, faut utiliser tous les objets. Voilà, il y a des trucs complètement stupides, genre utiliser de l'azote liquide pour sur du vomi, pour geler le vomi. Enfin, c'est débile, mais... mais voilà, je sais pas si c'est mon LucasArts préféré, parce que j'ai fait les deux Monkey Island qui sont vraiment très bons. Mais j'ai une petite préférence quand même pour Grim Fandango. Après, peut-être que ça changera au fur et à mesure du temps, mais j'ai une petite préférence pour Grim Fandango. Voilà, donc je voulais vous présenter ce jeu et j'espère que ça vous donnera envie de le lancer. Quand je l'aurai assez oublié, parce que bon, j'ai le script en tête, du coup c'est un peu compliqué, mais Ah bah ouais, c'est clair. Quand je l'aurais assez oublié, oui, c'est effectivement sur ma liste. Et même tous les autres, LucasArts, Maniac Mansion, Days of the Tentacle, Zack McCracken. Monkey Island. Bah, les Monkey Island. Les Monkey Island. Et je voulais faire aussi, alors c'est pas des LucasArts pour le coup, mais les Chevaliers Baphomet apparemment qui sont très très bien. Donc, bah effectivement. Après ils ont fait Thimbleweed Park, ils ont fait Broken Age aussi. Qui sont, alors c'est pas LucasArts, c'est pour le coup c'est des anciens de LucasArts qui ont fait ces jeux. Enfin non, Thimbleweed Park, voilà, cette scène là elle est tirée d'un film, cette scène spécifique. Et du coup Thimbleweed Park c'était en gros un espèce de gros hommage à LucasArts, et Broken Age c'est Double Fine et c'est Tim Schafer qui a décidé de faire un peu son jeu, je crois que c'est un point and click. Tim Schafer c'est Psychonauts aussi. Psychonauts, c'est bah, du coup Grim Fandango, c'est Monkey Island, c'est cette tête pensante derrière toutes ces formidables idées. C'est un mec un peu fou quand même, Tim Schafer. Mais si vous avez l'occasion de faire le remastered, écoutez en même temps les commentaires de développeurs, vous en apprendrez plein sur la création de jeux, c'est super intéressant. Il y a par exemple un développeur qui nous dit « Ah ouais, moi mon premier travail pour me faire embaucher justement chez LucasArts, ça a été de faire spécifiquement cette scène ou ce personnage ». Donc il t'explique justement il t'explique comment ça a fonctionné, comment ils ont fait les décors. Donc là ils te disent ouais, l'intérieur du bureau du département des morts, bah c'est le tout premier décor qu'on a fait parce que en fait ça nous permettait de gérer la réverbération du son, parce qu'il y avait beaucoup de techniques qui étaient utilisées à l'époque, qui étaient novatrices, qui ne sont plus du tout maintenant, mais qui étaient novatrices à l'époque. Et c'est un jeu vraiment assez novateur aussi dans plein de domaines par rapport à son époque. Voilà, voilà. Et bah, je pense qu'on peut s'arrêter là. C'était très sympathique. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Moi, j'ai plus grand chose à dire. Moi non plus. Oui, moi, rendez-vous dans 3 mois pour Tears of the Kingdom. Je pense que le prochain, alors je sais pas si on peut teaser, mais on pense du coup ça sera potentiellement Nier Automata. Ouais. Ouais. Voilà. Un gros épisode sur Nier Automata, là, ça va être génial. Où on a un peu toutes les nuances, hein, c'est-à-dire que. Il y en a un qui est très très fan, les deux autres qui sont un peu plus nuancés. Globalement, on trouve tous les trois que c'est un bon jeu, hein, mais c'est vrai que nos avis sont pas forcément aussi dithyrambiques les uns que les autres. Du coup, on aura l'occasion d'en reparler, mais mécaniquement, Mécaniquement, et même niveau scénario, je trouve que j'ai quelques soucis au niveau du scénar. Je trouve que c'est peut-être un petit peu compliqué pour pas grand chose, très sincèrement. Mais du coup, voilà, on en parlera en temps voulu. Donc, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à venir jeter un petit coup d'œil. Voilà, voilà. Je pense que ça va être l'heure de faire la publicidad habituel. Voilà. Donc, merci de nous avoir écouté, regardé, être venu sur le stream, vous être tapé les pubs évidemment. Je vais vraiment essayer de trouver un moyen de régler ce problème parce que j'en ai ras le cul. Bon, vous sur Spotify et YouTube, vous vous en foutez, hein. Enfin, quoique maintenant YouTube désactive Adblock automatiquement, donc bon, c'est ça. Peut-être que voilà. En fait, comme moi, mettez Ublock. Voilà, ouais, on ne recommandera jamais assez. mais voilà, on espère que ce nouvel épisode de Produit en Croix vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois du coup pour peut-être parler de Nier Automata ou peut-être d'un autre sujet si une autre idée nous vient entre temps ou qu'un sujet d'actu nous intéresse, même si en vrai c'est très peu probable. On se retrouve, on sait pas quand, ça peut être dans une semaine comme dans 4 mois. C'est plus probable dans 4 mois que dans une semaine. Mais... C'est plus probable dans 4 mois que dans une semaine. Vous pouvez nous retrouver tous les trois sur nos Twitter. Alors, je sais plus si j'ai changé le mien, faudrait que je regarde. Mais moi, c'est soit Jjeunet, soit Jinc. Jem, c'est Jemgina. Et Netchekou, c'est Netchekou avec un petit 1 à la fin. Et oui. Et vous pouvez retrouver évidemment le compte Twitter officiel de Produit en Croix. Je crois que c'est Produit en Croix PEC ou PEC Produit en Croix. Ou le Produit compte en Croix. Twitter officiel, comme si on avait un compte Twitter fake. Ouais, bah oui, mais en fait, c'est ça la blague. C'est que, en fait, depuis le début, j'ai créé un compte fake. C'est ça. Out of context, produit en croix. C'est bien évidemment pas vrai. Non, mais voilà, vous pouvez nous retrouver là-bas. Vous pouvez nous retrouver également sur Spotify, sur produit en croix, tout simplement. Et sur PodCloud, si ça vous, si le kiff, c'est d'aller écouter là-bas. Perso, je trouve que c'est pas super pratique, mais bref. C'est ça. Et, ça lise bien. Et puis malheureusement pas sur SoundCloud, j'ai essayé de les mettre mais c'est trop chiant. SoundCloud, vous êtes casse-couilles si vous nous écoutez. Faites un moyen plus simple de mettre des podcasts, par pitié. Merci à tous. C'est compliqué. On fait des gros bisous. Et vous pouvez... Attends. Attends. On a chacun nos émissions respectives. Donc Nechiku, c'est... T'as sorti un par Nechiku récemment ? Alors, Tales from the Devs, effectivement, il y a eu un nouvel épisode qui est sorti sur Live sur Live et sur Undertale, qui est très très bien. Effectivement. N'hésitez pas à le voir. Et puis Trace, nouvel invité, je pense, la semaine d'après. Et puis Jem, toi, Lost Baby, toujours. Moi toujours. Donc Lost Baby, je représente. Donc du coup, une fanfiction Jojo qui essaye d'être la plus crédible possible. Donc qui essaye de développer son univers à elle, ses personnages à elle, etc. Donc voilà, vous pouvez retrouver ça sur Wattpad et sur fanfiction.fr, pas .net.fr. Et donc voilà, on a et c'est très très bien. C'est ça, on a de plus en plus de lectures, on a de plus en plus de lectures, donc voilà, donc n'hésitez pas à checker ça. Moi j'ai de moins en moins de personnes qui regardent ce que je fais, donc... Moi je fais rien, ça va plus vite. Non, en vrai, c'est pas vrai. Bientôt, ouais, dans un mois et demi, deux mois, peut-être, on y croit. Non, mais en vrai, je travaille énormément sur beaucoup de gros. En fait, c'est que j'ai beaucoup de gros projets et c'est long. Mais voilà, je. 2023, peut-être deux vidéos. On y croit. Et voilà. Voilà. Des gros bisous à tous et bye bye. Bye. Salut.